couple, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Ben dites-le plutôt clairement. Disons le mot, vous avez été antisémite. Exactement, dans la mesure où je supposais les sémites nous pousser dans la guerre. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 7, épisode 36. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Si vous souhaitez nous écrire, vous pouvez le faire à l'adresse suivante, dempart@dnmx.org. Je répète, dempart@dnmx.org. Vous pouvez aussi vous inscrire sur le forum Europe Écologie Les Brins à l'adresse suivante, eelb.su. Si vous avez des problèmes d'inscription, écrivez-nous directement à l'adresse email que je viens de donner. On fera l'inscription manuellement. Un certain nombre de personnes sont encore en attente. Si vous avez des statuts qui sont en attente, vérifiez que votre statut n'a pas été vérifié depuis. Il est tout à fait possible que ça ait été le cas. Un petit coup d'œil, essayez de vous connecter, voyez comment ça marche, et n'hésitez pas à nous relancer, ça peut prendre un peu de temps, parce qu'on a quand même pas mal de choses à faire, donc effectivement, si ça traîne, veuillez nous en excuser. Grâce au forum, vous pouvez commenter bien sûr les émissions, les articles d'actualité, les différentes rubriques où vous-même pouvez poster des sujets, etc., etc. Le nouveau nom de domaine, très temporaire, bien sûr, dempart.homes, H-O-M. E-S.H-O-M-E-S. Voilà, c'est la nouvelle adresse qui va durer le temps que ça va durer, hein, le temps que les juifs voudront bien que ça dure, ce qui en général est plutôt court. Hein. Si vous avez un petit souci à trouver le nom de domaine en clair, donc vous savez qu'il y a, grâce à Tor, vous pouvez accéder en permanence à notre oignon, c'est-à-dire notre site fixe sur Tor, l'adresse est sur le site, sur la barre latérale. Donc une fois que vous utilisez Tor, ou alors le navigateur Brave qui a Tor intégré dans son système, eh bien, vous n'avez plus de questions à vous poser. Vous vous connectez à notre oignon en permanence, il n'y a plus de questions de censure, de rechercher l'URL du site, etc. Bon. Donc, ça, c'est la version la plus simple, la plus incensurable. On la recommande, l'oignon Tor de Démocratie Participative. Si vous êtes sur VPN, bon, bah, la question ne se pose pas. Vous accédez de toute façon au nom de domaine et c'est pas un sujet. En revanche, si vous êtes toujours en clair, c'est-à-dire si vous n'avez pas de VPN pour une raison qui X ou Y, si vous n'utilisez pas Tor, même si c'est gratuit et que ça vous coûte une grosse demi-heure à maîtriser, parce que c'est vraiment très simple, bon, vous pouvez retrouver en permanence le nom de domaine en clair du site, le nouveau nom de domaine, d'accord, celui qui est en cours au moment où vous le cherchez, sur Gab. Donc ça c'est gab.com, c'est un réseau social, d'accord, qui ne pratique pas la censure, et le lien est sur le site de Démocratie Participative, et donc là, à chaque fois que le nom de domaine change, il y a une mise à jour qui est faite. C'est tout simple, vous allez sur Gab, le groupe de Démocratie Participative, en un clic sur le site, hop, voilà, mettez ça en favori, comme ça quand le nom de domaine en clair il est squeezé, ben vous avez juste qu'à vous reporter sur la page du groupe de DP sur Gab et vous aurez le dernier nom de domaine. Voilà. Alors on n'est pas présent sur Telegram, c'est-à-dire que nous on gère pas de page Telegram, mais je sais que beaucoup de gens utilisent Telegram et veulent suivre sur Telegram. Nous on en a pas, hein, donc c'est tout ce que je peux vous dire à ce stade. Avant d'enchaîner, je vais présenter les membres de la semaine. Je vais commencer tout de suite avec Nogaret. Salut Nogaret, j'espère que tu vas bien. Il se remet d'une grippe, d'une trachéite, d'une bronchite. De quoi te remets-tu, cher Nogaret? Salut Gandalf, salut aux auditeurs. Oh, une espèce de gros rhume, hein. Pas le rhume 19, hein, bien entendu, mais un gros rhume. Voilà, quelque chose de basique en cette saison. Voilà, ça te fait une voix de crooner comme ça. Est aussi avec nous cette semaine Hydromel. Salut Hydromel, j'espère que tu vas bien. Bonjour Gandalf et bonjour à tous. Ça va. Bon, on va dire que le moral est bon, bien qu'on soit en début de cet hiver. Il y a l'hiver à passer. J'ai une petite pensée quand même pour Vincent. Mais je pense que pour lui, le moral est bon et j'espère que la Providence viendra à ses rescousses et que ça se passera bien pour lui. Outre-Manche. Outre-Manche, effectivement. On va reparler, hein, bien sûr. Et aussi avec nous cette semaine, Jean Bureau. Salut Jean, j'espère que ça gaze. Ah oui, ça gaze. Salut Gandalf, salut à tous, à tous les auditeurs. Oui, ça va super bien, puisque comme j'en parlais avant l'émission, on peut constater que les coffres de la juiverie internationale se vident là, entre FTX, mais aussi la quantité d'argent disponible dans les coffres de la juiverie américaine et en chute libre, argent métal évidemment. Donc tout va bien. Espérons que ça aille de mieux en mieux à ce niveau-là. Alors, je tiens, avant de commencer l'émission, à remercier nos donateurs. Vous savez, bien sûr, que notre média ne fonctionne que grâce aux donateurs. Hein. Pas de donateurs, pas de médias, c'est très simple. Donc, nous ne fonctionnons qu'avec la crypto-monnaie Monero, qui offre l'avantage considérable de garantir l'anonymat des transactions. Ce qui, en ces temps de surveillance, de répression généralisée, est un avantage décisif, vous le comprenez bien. Alors, nous invitons bien sûr tous ceux qui le souhaitent à se familiariser avec cette crypto-monnaie. On ne demande pas d'investir hein, dans la crypto, hein. On demande simplement de l'utiliser comme moyen de paiement, hein. C'est comme un virement bancaire, voilà. Sauf qu'il n'est pas, on ne peut pas l'arrêter, le système ne peut pas le stopper, et il ne peut pas remonter jusqu'à vous. Ce qui est quand même aussi très très utile. Donc Monero, exclusivement pour nous. Alors nous avons reçu plusieurs dons, puisqu'on n'avait pas eu d'émission la semaine dernière, évidemment à cause de l'arrestation de Vincent Renoir, sur laquelle nous allons revenir. Donc on n'a pas fait d'émission la semaine dernière. Donc on en a en retard. Alors si d'aventure il y a des dons qui nous ont été envoyés, que vous nous avez envoyé un courrier et que par hasard on vous a pas répondu, c'est pas du tout dû au fait qu'on peut pas vous répondre ou qu'on vous snob, hein. C'est simplement que l'email est passé à travers, on l'a pas vu, on l'a pas lu, il est passé en spam, il s'est passé quelque chose. Donc n'hésitez pas à nous relancer, il y a pas de problème, hein, voilà, n'hésitez pas, renvoyez un message, dites, voilà, j'ai pas de retour, qu'est-ce qui se passe, voilà, et nous on vous répondra. Évidemment en nous excusant de pas avoir répondu la première fois pour une raison indépendante de notre volonté. Alors premier don, salut à toute l'équipe, je vous confirme mon don de 0,44 Monero, j'en profite pour recommander à tous les auditeurs la lecture des décombres de Lucien Rebattet, best-seller de l'Occupation, à la fois très bien écrit, drôle et instructif, un très bon complément au pamphlet de Céline et probablement l'un des meilleurs livres sur la débâcle de juin 40. Par ailleurs, je pense qu'il serait intéressant de faire des timestamps pour vos émissions afin de pouvoir écouter telle ou telle partie en premier si on le désire. Au plaisir d'écouter votre émission en espérant le retour de Vincent Renoir pour Noël. Oui, il serait bien Noël. Faites que détestent tant les gauchistes et les juifs. Et c'est signé Ulfric Sombrage. Alors merci Ulfric. C'est pas la première fois qu'il nous contacte, bien sûr, Ulfric, et qu'il nous soutient. Merci à lui. Alors, je ne saurais que trop concourir à ce qu'il dit. Hein. Donc, les décombres de Rebattet, bah, un chef-d'œuvre absolu. Vraiment, je veux dire, qualité littéraire, bah, tout y est, quoi. Le fond, la forme, l'élan, l'énergie. Pour moi, c'est une des meilleures plumes. Hein. À mon sens, Rebattet est une des meilleures plumes. J'aime beaucoup, évidemment, Céline, dans un autre genre, hein, genre bon, littéraire, Céline, hein, bien sûr. Mais les satires de Céline sont extraordinaires aussi, on les connaît, hein, je veux dire, bon, Bagatelle pour un massacre, mais à coup de pas et d'autres. Mais les décombres de Rebattet, c'est extraordinaire. Hein. Je veux dire, il faut l'avoir lu. Rebattet est un très grand écrivain, très grand journaliste, et voilà. Donc Bon, je peux pas vraiment en dire davantage, si ce n'est de le lire. Alors, vous pouvez le télécharger gratuitement. Alors, certains sont pas très fans de la lecture des PDF, ce que je peux comprendre. Hein. Encore que maintenant, avec les liseuses contemporaines, c'est plus agréable. Mais bon, c'est sûr que si vous êtes un amateur du papier, parce que c'est vrai que le rapport est différent, on plonge différemment dans un livre papier, bah vous pouvez le commander. Mais je sais pas exactement qui l'édite de nos jours. Je suis pas très familier. Sur Amazon, vous devez pouvoir trouver ça. Mais sinon, en PDF, il est disponible gratuitement. Donc voilà. Donc si ça vous dérange pas de lire un PDF, Les Décombres de Lucien Rebattet. Vous allez vous régaler, c'est espèce d'épopée apocalyptique dans la France de 1940, hein, c'est-à-dire la marche à la catastrophe en fait. Hein, il raconte la marche à la catastrophe du point de vue finalement d'un jeune nationaliste en fait, hein, qui est un journaliste aussi. Et bon, enfin, il y a des passages dont moi je me rappelle qui sont vraiment géniaux. Alors, très corrosif, il est fabuleux. Ouais. Puis alors avec des saillies à chaque fois contre les Juifs qui sont. Puis c'est toujours très bien amené, quoi. Je veux dire, c'est pas juste, c'est jamais gratuit. C'est bon, voilà. Donc oui, je concours totalement, Ulfric. Je sais pas si c'est, si on peut comparer à la situation actuelle, mais dans Les Décombres, en fait, il y a cette espèce de drame inéluctable, en fait. On sait que ça va se terminer en foirade. C'est-à-dire, en fait, vous connaissez la fin. Mais vous êtes comme un passager, vous embarquez, vous savez que le voyage va mal se terminer, mais vous montez quand même, et donc il y a cette espèce de situation étrange où vous croisez des personnages, des situations, tout va de mal en pis, et les grotesques générales est très bien dépeint, je trouve, de la part de... C'est tragicomique, hein, donc c'est un ouvrage tragicomique. Grosso modo, c'est la tragédie de la France qui s'effondre en fait, hein, voilà. Et évidemment, qui s'effondre pas sous les coups de l'Allemagne en réalité, hein, c'est-à-dire qu'elle s'effondre de son pourrissement intérieur. Voilà, c'est ça qui est très bien raconté. Quelqu'un veut dire quelque chose là-dessus sur cet ouvrage enfin, oui, sur la lecture ou du Rebattet même en général, hein, je veux dire. Bon, moi, je dirais simplement, après avoir lu Les Décombres, vous complétez avec le Dialogue des Vaincus. Par Rebattet et par Cousteau, qui sont les écrits qu'ils ont écrits en prison, vers 1950, je crois. Et c'est pareil. C'est en fait, on garde la qualité d'écriture, l'humour, etc. C'est vraiment très très à la fois intéressant et à la fois drôle à lire. Dialogue de vaincu, ouais, il est très profond. Ouais. Alors, il y a un antichristianisme. Absolument latent, quoi, hein. c'est très drôle aussi là-dessus, enfin, ouais, c'est... Oui, Dialogue de vaincus aussi, ouais, tout à fait. Je ne saurais que trop... Oui, vas-y, Jean. Puisqu'on est dans les recommandations littéraires, j'ai constaté que sur le forum, certains demandaient où on pouvait trouver, par exemple, Les Races Humaines de Claude Nancy, et je redirige les auditeurs vers le site du grand monarque Viva Europa, sur lequel il continue de mettre des livres libres en PDF. Donc ça s'appelle vivaeuropa.info/LCA, les cahiers d'Arianité. Et dessus on peut y trouver une richesse fabuleuse de livres, évidemment, de notre courant. Oui, le livre de Claude Nancy. Bon, quand on cherche un livre comme ça, il suffit de taper dans Google, voir ce qui sort. Mais souvent c'est des... pas forcément, hein. Pas forcément. Ouais, parfois c'est pas si facile. Hein. Bah ça, oui, ça de ce genre d'ouvrage, ça j'imagine que version papier, je ne sais pas. Là, je m'avancerai pas. Je sais pas ce qu'il en est. Je sais que le Grand Monarque rééditait, mais maintenant. Si, je sais qu'il envoie. Alors, je sais pas depuis qu'il est rentré en France et qu'il a eu des problèmes, mais il envoie en tout cas des versions physiques des livres et c'est bien édité. Je peux témoigner, j'en ai eu un entre les mains. C'est plutôt bien fait. D'accord. Alors, don numéro 2. Salut Gandalf et salut l'équipe. Je viens de vous envoyer ce jour 0,46 en euros, soit environ 60 € pour le mois de novembre. Même s'il n'est pas indispensable de vous écrire à chaque don, je le fais car je ne peux pas m'empêcher de sourire à l'idée d'imaginer la tête des Juifs rageants qui, malgré leur envie de vous voir disparaître, vous voient subsister et recevoir des dons à chaque émission, en particulier Tristan le Vénéneux. Racialement, merci Doc. Alors merci Doc, oui, je confirme, hein, Monero est une damnation pour les Juifs, hein, c'est leur croix, hein, il faut bien qu'ils portent la leur aussi, il n'y a pas de raison. Oui, absolument. Hein. C'est Monero, c'est un. Et alors, il y a Monero, c'est celle qu'on utilise parce que c'est la plus répandue en termes de. Bon, après, il y en a d'autres confidentielles. Je crois qu'il y a Pirate. J'ai oublié le nom de ce coin. J'ai oublié. Bon, il y en a d'autres, mais pas beaucoup d'autres. Mais Monero, c'est la plus éprouvée, quoi. Elle a démontré, si vous voulez, sa solidité, tout simplement parce que les autorités américaines, le FBI, etc., ont essayé de savoir qui recevait quoi avec cette monnaie. Ils ont échoué, quoi. Donc, bien sûr, vous avez toujours des projets alternatifs qui vous disent, voilà, notre coin, elle est solide. Oui, mais le problème, c'est qu'il faut que elle attire suffisamment l'attention des autorités pour que les autorités se mobilisent et essayent de s'y frotter pour voir ce que ça donne. Et jusqu'à ce stade, on n'a que véritablement Monero. Mais je confirme que les Juifs n'aiment pas la solidarité de gens qui se défendent de leurs agressions. Oui, c'est tout à fait avéré. Hein. Oui, ça, il n'y a pas de problème. Donc merci à toi, merci Doc, pour ton soutien. Numéro 3, alors c'est Fusion, alors un petit message à Fusion. Fusion nous avait envoyé un don, mais il avait envoyé ça avec une note. Si Fusion pouvait nous redire, enfin nous réenvoyer le contenu de son message, ça serait sympa, pour qu'on le remercie. Alors son message date d'il y a quelques jours, peut-être une dizaine de jours, et ça s'explique tout simplement par le fait qu'on a été très empêchés ces derniers temps, et donc on n'a pas pu répondre en temps et en heure. Donc que Fusion ne nous en veuille pas, et s'il peut nous réécrire, ce serait sympa. Don numéro 4, c'est CertBot qui nous écrit. Bonjour à toute l'équipe, je viens de vous faire un don de 0,16 Monero. Ce n'est pas la première fois que je fais un don, mais c'est la première fois que je me manifeste. Faites-moi signe si vous avez besoin d'aide. Alors oui, il nous proposait de faire des montages vidéo, etc. CertBot, merci. Alors on conserve ta proposition, bien évidemment. Et le cas échéant, si on a un projet, ou si toi-même tu as un projet précis, n'hésite pas à le suggérer, ça pourrait être rigolo, effectivement. Mais c'est rigolo, les montages vidéo, c'est rigolo quand on peut les diffuser en ligne, en fait. C'est ça l'intérêt. C'est quand vous pouvez les mettre sur les réseaux sociaux, en réalité, quoi. Et comme vous le savez, ils sont étroitement contrôlés. Alors, il se passe quelques petites choses avec Twitter, avec Musk, on ne sait pas exactement quel sera le nouveau format, les nouvelles règles, qu'est-ce qui va marcher, pas marcher. Pour l'instant, c'est Terra Incognita, donc je m'avancerai pas trop, mais c'est vrai que faire des montages vidéo, etc., pour que ça soit rigolo, faut les mettre sur les réseaux sociaux mainstream, je veux dire. Bon, Facebook, on oublie, parce que bon, là, voilà. Twitter, par exemple, ça peut être marrant. Voilà, à voir, sous toute réserve. Mais CertBot, si t'as un petit projet, on prend, pas de problème. Don numéro 5. Bonjour Gandalf, je suis un nouvel auditeur, comme quoi, qui depuis que je vous écoute, apprécie énormément vos émissions. Un grand merci aux autres participants, et surtout à Vincent, que je suivais de loin à travers d'autres sites. Vous trouverez un don de 0,08 Monero. Pourriez-vous me prévenir des réceptions? Alors ça sera fait, bien sûr. Merci pour le ton, les thèmes et surtout de nommer nos ennemis. Je vomis cette république de francs-maçons et surtout cette juiverie qui la contrôle, aidée de leur masse d'halogènes. Perso, je reste en France, mais prêt quand le chaos arrivera. C'est signé Alpineur. Salut Alpineur à toi, merci pour ton soutien. Ça fait toujours plaisir, et ça fait toujours plaisir d'avoir de nouveaux auditeurs, parce que oui, tout le monde n'a pas toujours écouté nos émissions. Bah, tout simplement, hein, et voilà, il y a des tas de gens qui les découvrent. Il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 1 an. Alors que ça fait plusieurs années maintenant qu'on évangélise les masses, n'est-ce pas? Mais bon, voilà. Alors, don numéro 6. Cher camarade, afin de tester que les transferts Monero fonctionnent correctement, je viens d'envoyer un petit montant de 0,01488 Monero. Il est facétieux. Pourriez-vous me confirmer par email ou dans l'émission que vous avez bien reçu la somme afin que je puisse vous soutenir régulièrement? Si Ragnarok, ça sera fait, cher Ragnarok. Instamment sous peu, on y pense. Don numéro 7, et c'est le dernier. Bonjour, je vous ai envoyé la même somme que la dernière fois, donc ça c'était, j'ai plus le montant en tête malheureusement, mes amitiés, et c'est signé Loborouz. Alors Loborouz, merci de ton soutien, je n'ai plus tout à fait le montant, mais je crois que c'était 0,2 Monero, si je me trompe, excuse-moi, tu pourras renvoyer le détail si tu le souhaites. Mais merci pour ton soutien et merci à tous ceux qui nous soutiennent de manière anonyme. Alors je suis désolé, il y a une espèce de marathon comme ça à travers les donateurs parce qu'on a, bah il y a eu un gap d'une semaine. Merci à tous. Merci à tous. Sans vous, on ne peut pas continuer. Alors, chers amis, attaquons l'émission. Première rubrique, évidemment, consacrée en fait à la répression juive et à Vincent Renoir. Bon, bah Vincent, c'est un membre de l'équipe, hein, maintenant depuis plusieurs mois. On doit en parler, bien sûr. C'est un camarade, c'est aussi un ami. Moi, je connaissais avant qu'il rentre dans l'émission, je connaissais pas Vincent vraiment. Hein. Je tiens à expliquer ça aux auditeurs. J'avais une relation très très sporadique avec Vincent. On a relayé son contenu, on s'est mis à relayer son contenu parce que son contenu était bien, il méritait d'être mis en avant. Et en fait, de fil en aiguille, on lui a proposé d'intégrer l'émission pour qu'il puisse se faire connaître ses vues, faire connaître son travail. Et voilà. Et alors, naturellement, hein, on est devenu, alors je vais pas dire amis au sens des amis proches, des amis intimes, des amis personnels, parce que évidemment déjà il y a la distance, etc. Mais on est devenu des gens, des personnes ayant un très bon relationnel. Et puis Vincent est quelqu'un de très très cordial, toujours très courtois. Et alors, je pense que beaucoup de nos auditeurs aussi ont découvert Vincent comme personne, c'est-à-dire qu'ils ont vu que Vincent qui ne s'occupait pas que de la question révisionniste, mais qu'il avait un point de vue sur différents sujets de société, qu'il était, je trouve, bon débatteur, il expliquait bien ses points de vue, c'était toujours bien construit, et on a reçu franchement beaucoup de compliments de la part des auditeurs. Quelques personnes se sont plaints aussi, parce que bon, bah voilà, on peut jamais satisfaire tout le monde, mais quand même, en général, beaucoup de gens étaient contents d'entendre Vincent et son point de vue, parce que bon, 30 ans de militantisme politique, et dans un domaine très très glissant, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc ils ont pu un peu le découvrir, alors que c'est vrai que c'est souvent confidentiel, très très fermé, et comme c'est le révisionnisme est un thème très très spécial, finalement ça devient un petit peu une question unique, quoi. Vous savez, vous avez des gens qui ne travaillent que sur un sujet. Je vous donne un autre exemple, hein, dans un autre registre, c'est les féministes, par exemple, les féministes qui ne parlent que d'avortement, par exemple. Bon, évidemment, il y a des gens, au bout d'un moment, ils vont dire, bon, l'avortement, c'est bien gentil, on va pas en parler tout le temps, et je présume qu'il y a des féministes qui disent, on va pas non plus on va pas résumer le féminisme, entre guillemets, à la question de l'avortement, vous voyez. Donc, en fait, il y a souvent, alors pour deux choses, d'abord, il y a la peur de parler du sujet, parce que c'est immédiatement c'est les procès, etc. Donc, déjà, ça dissuade. Et puis, deuxièmement, l'idée, ah oui, non, mais c'est le passé, etc. Enfin, vous connaissez tout l'argumentaire. Donc, c'était bien de ce côté-là que Vincent soit présent pour, d'abord, lever quelques incompréhensions sur ce qu'il fait, sur le fond et sur la forme, mais aussi de montrer que il passe pas sa vie à parler que de ça, que c'est un militant normal qui a un point de vue sur tous les sujets de société, là, mais il a bien montré à quel point cette question-là, cette question de la religion de l'Holocauste était centrale dans l'organisation des sociétés occidentales démocratiques depuis 1945. C'est absolument clair, absolument évident. Il l'a longuement exprimé ici, dans ses vidéos aussi. Donc je vais pas paraphraser, c'est pas la peine. Mais nos auditeurs, militants pour certains, l'ont découvert. Et comme vous le savez, il a été arrêté la semaine dernière en Écosse. Alors, dans l'émission, on ne savait pas où il était, en fait, en Grande-Bretagne. On savait qu'il était en Grande-Bretagne, mais on n'en savait pas davantage. Il était très discret, c'est fort logique. Donc, on a appris les choses un petit peu comme tout le monde, en fait. Aussi surprenant que ça paraisse. Alors, pour résumer les faits, donc Vincent a été interpellé jeudi 10 novembre, en Écosse, dans un petit village de pêcheurs, où il vivait sous un faux nom et où il aidait une personne âgée à entretenir sa propriété, moyennant en fait pas le couvert mais le gîte. Et de là, il continuait son activisme révisionniste, se sachant recherché par la police britannique. Donc, il vivait quand même dans un état d'esprit de militant traqué. D'accord ? En cavale, ouais. Ouais, en cavale. Donc, bon, nos auditeurs peuvent méditer là-dessus. C'est-à-dire que il se sait traqué, mais il n'abandonne pas le combat. Hein. Donc, il a mis la main sur un vieil ordinateur, il s'est remis à travailler immédiatement. Donc, c'est vous dire la ferveur militante qui devrait, je crois, servir d'exemple à beaucoup. Alors, il a lancé sa fameuse série. Il était très, très, très actif, parce que comme il m'expliquait, il m'a dit, moi, je peux me faire arrêter n'importe quand. Donc, je ne sais pas combien de temps j'ai avant l'arrestation. Donc, il faut que je consacre toute mon énergie, comment dirais-je, à cette série sur laquelle je travaille, qui est en fait une synthèse considérable, mais une synthèse de tout son travail depuis 30 ans sur finalement le Troisième Reich, hein, donc l'Allemagne national-socialiste. Donc c'est sa fameuse série qui est une histoire critique du national-socialisme, qui commence en 1918-19, hein, donc sur les racines du national-socialisme, la situation historique, et ça doit nous emmener jusqu'en 1945-46 avec le tribunal de Nuremberg, et moi-même je lui avais dit tu devrais même songer à aller un peu au-delà, c'est-à-dire à l'Allemagne de l'après-guerre, c'est-à-dire de voir ensuite quelles ont été les conséquences de la destruction du national-socialisme en Allemagne. Je pense qu'il y a des choses à faire, mais bon, ça c'était une ouverture que je lui avais suggérée. Donc c'est quelqu'un qui continuait à travailler en dépit des extraordinaires difficultés qui lui étaient faites par la pression du lobby juif international. Donc je vais bien sûr vous donner la parole, hein, chers amis, mais pour que nos auditeurs le sachent, donc c'est là c'est l'hydre juive en mouvement, hein. Donc les gens qui disent non, ça n'existe pas, le complot juif, de quoi vous parlez, vous inventez, vous êtes des monomaniaques, vous êtes obsédés par ces des vieilleries, ça n'a rien à voir avec notre époque, avec les enjeux, etc. Eh bien messieurs, j'aimerais tellement que vous ayez raison, mais ce n'est pas le cas, c'est pas vrai du tout, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et quand vous militez vraiment, quand vous êtes vraiment dans la pratique militante, vous comprenez par la pratique, c'est-à-dire ceux qui donnent les ordres flics, ceux qui vous font arrêter, ceux qui activent les tribunaux, ceux qui vous font extrader, etc. Vous voyez les noms, vous voyez les associations, les groupements d'intérêt. Et je suis désolé de le dire, même si je ne le suis pas, mais pour la formule, vous allez retrouver la même force internationale à chaque fois, d'accord ? Donc, les gens qui se carrient leurs petits doigts en disant « non, on ne sait pas... » Non, ça c'est de la fainéantise intellectuelle, première possibilité, ou de la lâcheté. Ou troisième possibilité, de la coopération active. Donc, Vincent, il a été traqué par une personne connue qui s'appelle Ian Austin, qui est un ancien député britannique travailliste. Alors, travailliste, c'est l'équivalent d'un socialiste en France. Et, alors, il a été adopté par un juif tchèque, d'accord ? Donc ça, c'est pour son parcours personnel. Et il est lié au lobby juif et sioniste. Je n'utilise pas le mot sioniste ici simplement pour essayer, vous savez, par facilité de langage. Hein, c'est vraiment au sens, je viens du lobby pro-israélien, quoi. Hein, le plus agressif de Grande-Bretagne et le plus puissant. Donc, Ian Austin, il est dans tous les mauvais coups de la juiverie en Grande-Bretagne. À tel point que il a été la force motrice qui a précipité la chute de Jeremy Corbyn. D'accord. Alors, qui est Jeremy Corbyn pour nos auditeurs? Jeremy Corbyn, c'était le leader de l'opposition de gauche parlementaire au Royaume-Uni. Donc, c'était le patron de la gauche. C'est le patron de la gauche. L'équivalent d'un Mélenchon, si vous voulez, aujourd'hui. Hein. Donc, c'était pas n'importe qui, hein, Corbyn. Hein. Alors, évidemment, il avait une classe intellectuelle et personnelle bien supérieure à celle de Mélenchon. C'est-à-dire que Corbyn est quand même un mec qui a une certaine classe toute britannique. On peut ne pas aimer sa politique, hein, ceci étant dit, ça c'est autre chose. Hein. Enfin, il avait quand même une certaine classe, quoi. Et alors, ce gars-là était clairement du côté des Arabes au Moyen-Orient face au colonialisme juif, hein. Voilà. Donc il avait des amitiés au Moyen-Orient qui s'inscrivaient dans une tradition anti-sioniste, pan-arabiste et tiers-mondiste qui était très très en vogue dans toute la gauche européenne avant qu'elle soit dévorée par l'humanitarisme actuel. Faudrait peut-être s'arrêter un jour là-dessus. Et alors, il l'a fait chuter. C'est-à-dire que, avec son étiquette de député de gauche, il a dit, non mais Corbyn, c'est pas possible, c'est un antisémite. il a activé ses taupes à l'intérieur du parti travailliste pour faire chuter Corbyn. Il était en lien avec Netanyahou. Il y a eu des choses hallucinantes, hein, je veux dire, c'est-à-dire que même Netanyahou est intervenu dans le débat intérieur en Grande-Bretagne. Enfin, c'était vraiment de l'ingérence juive à 100%. Il a été remercié par Boris Johnson, qui lui-même est d'origine juive, hein, pour le savoir, avec je ne sais plus quelle récompense. Et alors, on le retrouve en 2018, il est lié à un autre homme, dont je n'ai plus le nom, mais qui est aussi un juif très influent, qui lui était à l'ambassade d'Israël, toujours dans cette campagne anti-Corbyn, en compagnie de Jacob Rothschild. Donc c'est la juiverie la plus puissante, la juiverie financière la plus puissante, la plus organisée de Grande-Bretagne. C'est la City de Londres, quoi. Et c'est lui qui a convaincu la police britannique et le ministère de l'Intérieur britannique de passer à l'action contre Vincent. C'est cet homme-là. C'est finalement l'homme lige de Jacob Rothschild. C'est l'homme lige de la juiverie financière britannique qui a convaincu la police britannique de passer à l'action. Comment ? Eh bien, en décidant de répondre positivement à une demande d'extradition qui a été formulée à l'exigence du lobby juif de Paris. Alors, vous les connaissez tous, puisque toute la place de Paris est contrôlée par les juifs. Hein ? Donc, c'est le CRIF, c'est la LICRA, c'est toutes les bandes, quoi. Je parle même pas des journalistes, des médias. Enfin, Paris est contrôlée par les juifs, c'est une ville juive. Donc, la juiverie de Paris a téléphoné à la juiverie de Londres et ils ont bougé. Alors, sur le dossier en particulier, qu'est-ce qui a pu les convaincre? Alors, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'ils ont essayé de faire croire, parce que les Britanniques, il faut bien comprendre que les autorités britanniques n'ont que le son de cloche que veulent bien leur faire parvenir les autorités françaises. Alors, dans le cas d'espèce, d'ailleurs, ils ont créé une unité de police politique en France ces dernières années, qui s'appelle, j'ai oublié, mais c'est l'Office de lutte contre les crimes contre l'humanité, voilà. Ni plus ni moins, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont créé, bon, c'est l'équivalent des... 7 flics à temps plein pour chasser les antisémites sur Internet. Et donc, ça s'inscrit dans la démarche de Simon Wiesenthal. C'est-à-dire que... Mais sauf qu'on est en modèle réduit. Donc on est dans la avec cet office de lutte contre les crimes juifs imaginaire, on est dans la police politique juive la plus pure et la plus dure. Ces gens croient que c'est Nuremberg. D'ailleurs, ils se réfèrent explicitement à Nuremberg puisque crime contre l'humanité est une catégorie inventée par les juifs pour juger et faire condamner leurs opposants politiques, c'est-à-dire les dirigeants nationaux-socialistes et les faire pendre sur la base de cette accusation sortie de la cervelle des juifs, qu'ils ont réactivé et utilisé maintenant contre des opposants politiques intérieurs en France. D'accord? Et on ne parle pas de gens qui ont commis des crimes de sang, ou qui sont accusés d'avoir commis des crimes de sang, mais de gens qui ont bien des opinions, des idées qui déplaisent aux juifs, en l'espèce le révisionnisme. Donc c'est cette unité de police politique, créée par le gouvernement français entre guillemets, qui a demandé aux autorités britanniques de bouger. Et ils ont justifié ça en disant que Vincent Renoir, en fait, sur la base des dégradations qui avaient eu lieu à Oradour en 2020, et dont Vincent avait expliqué qu'il n'avait, avec lesquels il n'avait aucun lien, puisque quelqu'un avait tagué Renoir a raison, puisque Vincent Renoir a fait un travail sur Oradour sur Glane qui démontre, en fait, que, comment dire, il n'y a pas eu les troupes allemandes n'ont pas volontairement assassiné la population dans l'église, femmes, enfants, etc. C'est très probablement un dépôt d'armes de la résistance communiste qui a explosé pour une raison inconnue et qui a tué sur place les civils qui avaient été parqués dans l'église pendant l'opération de police allemande, parce que des officiers allemands avaient été enlevés par des bandes communistes dans la région, et donc il procédait à une fouille dans chaque maison. Il a fait un livre là-dessus, il a fait une réédition là-dessus, et ça gêne tellement que le terrain est miné, et quelqu'un a tagué le site d'Oradour. D'accord ? Et il a tagué, il y a écrit « village martyr » à Oradour sur Glane, et la personne a tagué « village menteur ». Je pense que le mot menteur est très important dans l'affaire, puisque il explique très bien dans ses travaux, je vous y renvoie, mais il explique bien qu'il y a eu quand même une certaine conspiration du mensonge pour raconter n'importe quoi sur ce qui s'est passé à Oradour. En fait, c'est les communistes qui ont raconté ce qu'ils voulaient, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Hein. C'est, ils ont raconté leur, ils ont raconté l'histoire qui les intéressait, hein, parce que tout le secteur était rouge. Hein. C'est tout le secteur était rouge. Et alors, ça dérange encore aujourd'hui, puisque si vous voulez, c'est des mythes sur lesquels le putsch de 1944, donc la restauration du régime républicain, est fondée, et dont les dynasties actuelles tirent leur légitimité. Comprenez bien ça, c'est vrai dans la presse, c'est vrai dans les partis politiques, vous n'avez pas idée à quel point les dynasties actuelles qui contrôlent la France tirent leur légitimité des mythes de 1944-1945. Les Français ne le savent pas. Oui, il suffit de voir que les politiciens y vont à chaque campagne quasiment. Il me semble que Macron il va à chaque campagne présidentielle, il va à Oradour. C'est vraiment un lieu saint de la République française. C'est ça, c'est le pèlerinage antifasciste, voilà, laïque et obligatoire. Alors le problème, c'est qu'il faut que ça soit solide, et c'est pas solide, et c'est ce qu'a montré Renoir. Donc c'est ça qui, si vous voulez, qui pose énormément de problèmes. Ils ont dit aux Britanniques, cet homme incite à la violence. Donc ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, la vidéo. Parce qu'en fait, la base de la demande d'extradition est relative à une condamnation pour une vidéo parue en 2014. Rendez-vous compte, on est sur des... D'abord, on est sur une vidéo dans laquelle il s'exprime, très calmement, qui remonte à 9 ans. Je sais pas si vous mesurez ce qui se passe. Donc, quelqu'un fait une vidéo il y a 9 ans, et on sur cette base-là, on produit une demande d'extradition au niveau européen. Depuis Paris, là vous avez la juiverie complètement possédée de son hubris qui vous montre son visage hideux. Et alors, ils ont dans cette vidéo, de quoi parlait-il? Ils parlaient, parce qu'ils dénonçaient le travail d'embrigadement idéologique qui était fait sur un site du débarquement, c'est-à-dire qu'un musée mémorial du débarquement, dans lequel il y avait des éléments idéologiques antifascistes, et pro-juif, dans lequel en fait les jeunes élèves passent pour recevoir un cours d'éducation politique, ni plus ni moins, et à apprendre en fait à haïr leur propre peuple, leur propre sang, leur propre race, leur propre culture. On leur dit voilà, en gros, vos parents sont des blancs et des salauds, vous êtes tous des racistes et des nazis, et vous devez vous excuser d'être ce que vous êtes. Voilà, donc, en gros c'est ça, c'est toute la base de la religion de l'Holocauste, de l'antifascisme, qui en fait vise à inculquer la haine de soi chez les blancs, d'accord? Et ensuite c'est étendu avec le colonialisme, l'esclavagisme, etc. Donc évidemment il est à l'épicentre du problème. Il est à l'épicentre du problème du verrou qui mentalement emprisonne les peuples blancs et en l'occurrence le peuple français. Donc il touche au problème. Sauf que là c'était sur un site du débarquement. Alors forcément, si c'est un site du débarquement, on peut dire, regardez, Renoir, est-ce qu'il est en train de dire à propos de vos soldats qui sont venus mourir sur les plages de Normandie, il est en train de dire que ils sont morts pour, non pas qu'ils sont morts pour rien, mais que c'était quasiment des salopards qui sont, voilà, ils ont monté un char là-dessus, c'est-à-dire ils portent atteinte à la mémoire de vos soldats morts sur les plages de Normandie, première chose, et deuxièmement, c'est quelqu'un qui incite à la violence contre les Juifs. La preuve en est, regardez ce qui s'est passé à Oradour. Bon, c'était un tag, hein, ceci étant dit, hein, voilà, ramener les choses à leur juste proportion, mais voilà. Et donc, mais concrètement, l'élément qui déclenche la procédure, c'est une vidéo de 2014, hein, voilà. Donc, ils ont émis un mandat en 2021, en juin 2021, c'est sur cette base-là, donc, qu'ils poursuivent Vincent. Donc, je suis désolé d'avoir été long, mais pour ceux qui savent pas tout ça, bon, il faut quand même bien leur expliquer. Et Vincent s'est pas laissé intimider. Alors, il y a une première tentative d'arrestation il y a un an, dans la banlieue de Londres où il était réfugié depuis 2015, fuyant évidemment les persécutions politiques dont il était l'objet, où il a continué son travail, et même il a amélioré son travail parce qu'il a été très actif durant toutes ces années, il a fait beaucoup de vidéos, elles sont très bien faites, vous les retrouvez toutes sur Gap, parce que là aussi, hein, il faisait constamment censurer son contenu, éliminer son contenu de toutes les plateformes, maintenant vous les retrouvez toutes, bien sûr sur son site internet, blog blogue-sc.com, ou alors sur sa chaîne Gab TV. Donc il y a tout là-bas, tout est en détail, vous pouvez écouter Vincent Renoir, et considérer que ce qu'il dit est complètement loufoque, ou pas, mais vous pouvez juger sur pièce. Et là je vous donne la parole maintenant que j'ai fait cette synthèse, je m'excuse d'avoir été un peu long, mais c'est quand même, d'abord c'est un membre de l'émission qui fait face à cette situation, deuxièmement il faut que les gens soient informés de ce dont ils retournent, genre les tenants et les aboutissants, et ensuite, moi je pose la question un peu rhétorique, mais quand même, d'après vous, un homme comme Vincent, qui fait des vidéos qui touchent en moyenne 3 à 4 000 personnes, à peu près. Bon, on peut pas dire quand même qu'il touche des masses de gens. Bon, normalement, on devrait dire, bah oui, bon, bah il raconte bien ce qu'il veut, et on s'en fout, on passe à autre chose, c'est pas un problème. Mais pour qu'on déclenche un mandat d'arrêt européen, qu'on fasse pression sur le gouvernement britannique, que la juiverie britannique se mobilise en concertation avec la juiverie parisienne, pour le faire arrêter, alors qu'il est dans un village, il vit chichement, et qui continue son militantisme et qui touche quelques milliers de personnes, ça doit quand même faire réfléchir à un nombre de gens. Est-ce qu'il raconte vraiment n'importe quoi? Est-ce qu'on utilise de tels moyens répressifs contre quelqu'un qui dirait des choses qui ne tiennent pas debout? Je veux dire, voilà, la Terre est carrée, comment dirais-je, voilà, bon. Moi, je pose la question. Je pense que poser la question, c'est déjà y répondre. Hein, voilà, je veux dire, les moyens engagés ne correspondent pas à l'inanité alléguée par les médias détenus par ces gens-là à propos de ce que développe Renoir. Maintenant, j'aimerais vous entendre là-dessus. Vraiment, vous avez carte blanche, vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur la situation. Ce que je peux essayer de dire, c'est que le parcours de Vincent, ça force le respect. C'est quand même quelqu'un qui résiste depuis toutes ces décennies, qui a apporté énormément dans ce combat de rétablissement de la vérité, un peu dans la continuité de Forisson, et même probablement il va peut-être au-delà sur certains points, sur Oradour par exemple. Donc j'espère que ça va bien se passer pour lui, bien évidemment, et que il en sortira grandi, qu'il se fera connaître, qu'il pourra finir sa série. Et après, ça doit pas être évident d'affronter ce qu'il vit, mais il a déjà démontré qu'il était quelqu'un de très fort. Alors je suppose que ça lui sera bénéfique, enfin je l'espère, par rapport à son combat. Et voilà, c'était pour faire l'éloge un peu du parcours de Vincent, qui est quand même impressionnant en fin de compte. Qu'on se rend compte qu'il a quand même une persécution, mais au niveau mondial, donc ça force le respect. Voilà. C'est ce que m'inspire cette situation, en fait. Oui, je reprends sur ce que disait Hydromel. Moi, c'est pareil. Gandalf, tu as très bien présenté la chose. Il n'y a pas beaucoup de choses à ajouter, puisque tu l'as très bien dit. Finalement, il est attaqué parce que il lui-même s'est attaqué à la clé de voûte de tout ce système qui a été mis en place post-Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, je crois me rappeler que lors de la dernière émission où il a participé, ou peut-être l'avant-dernière, il avait évoqué le livre de Bardèche sur Nuremberg. Et au final, on est en plein là-dedans, en fait. Nuremberg ou la Terre promise. Hein. Exactement. Exactement, avec les changements que ce procès a amené, etc., qui était d'ailleurs très bien vu. Hein. C'est encore un livre très actuel. Hein. Vous pouvez encore le lire. Vous apprendrez plein de choses. Et justement, la situation de Vincent, c'est clairement la suite de tout ça. Hein. Enfin, moi, je le vois comme ça. Et bon, comme l'a dit Hydromel, ça force le respect de voir ce à travers quoi il est passé, et de le voir continuer comme ça. Donc, on peut que espérer que la situation pour lui va très vite s'améliorer. Moi, j'ai pas de doute dans la mesure où, en fait, il n'y a pas vraiment d'éléments tangibles pour eux pour l'attaquer, surtout avec la législation en Écosse, etc. Mais bon, on verra la suite. Voilà, c'est simplement pour dire ça. Oui, alors j'aimerais revenir sur l'aspect de la démesure complète des moyens. Et en fait, je vois un peu Vincent comme quelqu'un de très plein de ressources. Et évidemment, il a vraiment compris en profondeur le problème. Et donc le fait d'avoir 30 ans de militantisme comme ça, ça lui a permis finalement d'être un peu comme quelqu'un qui s'est rendu compte que la porte qui nous enfermait tous dans cette prison démocratique était pas si solide que ça, mais disons, c'est une grosse porte en bois, et lui, il tape dessus avec une petite cuillère. Et ça fait 30 ans qu'il tape dessus à la petite cuillère, mais finalement, un regard extérieur, on pourrait se dire que c'est cause perdue, c'est un peu délirant, mais visiblement, vu l'ampleur de la répression qui s'abat sur lui, c'est que la porte risque de céder. Elle est peut-être mitée et peut-être qu'il y a la liberté derrière, sortir de cette oppression démocratique dans laquelle on est enfermé depuis 1945, ce système juif et cette mafia internationale. Peut-être que la clé est effectivement dans des combats comme celui de Vincent. Donc, grand salut à lui, bravo, c'est un véritable héros. Moi, je le suis par pointillé depuis les années 2000, notamment, je sais que la fin des années 2000, au début des années 2010, il avait encore des vidéos sur YouTube et c'était assez grandiloquent. Il proposait par exemple de reconstituer des gazages et d'aller lui-même dans la chambre pour montrer c'était magnifique. Il voulait montrer que les granulés de zyklone ne pouvaient pas se dissiper suffisamment vite pour que ça corresponde au témoignage des gazés et que donc il pouvait rester presque une demi-heure dans la chambre et ressortir indemne sans problème avant que effectivement ça pose, enfin ça soit vraiment toxique pour lui. Enfin bref, c'était des trucs il proposait beaucoup de choses. Il a toujours été très inventif et il avait raconté, il me semble, dans une lettre qu'il avait faite à Rivarol, comment il avait réussi à s'échapper l'année dernière, le 25 octobre 2021, quand la police britannique est venue le chercher. Enfin, il a écrit quand même un certain nombre de choses qui lui sont arrivées dans sa vie. Il a une vie extrêmement remplie. Extrêmement intéressante à lire. Bon, il y a d'autres choses. Je pense que par exemple, on peut effectivement le retrouver sur Gab. Il a posté pas mal. Il a aussi posté sur son compte Telegram sans concession. Et bon, bah, on peut que le soutenir, que l'admirer, cet homme qui œuvre énormément pour notre cause, qui fait vraiment avancer les choses. Et finalement, cette répression, c'est une consécration. C'est comme les condamnations en France pour racisme ou je ne sais quoi. Certains les portent comme des médailles. C'est une consécration que on déplaît à ce système et que on lui fait du mal. Donc bravo Vincent, force à toi et puis à la prochaine. Oui, alors justement sur le niveau de répression et la couverture médiatique. Alors, les Juifs, en fait, sont dans une impasse parce que s'ils ne font rien, ils voient bien que l'empire du mensonge, qui évidemment, enfin les Juifs devant bâtir un empire ne pouvaient le bâtir que sur le mensonge. Hein, je veux dire, les chiens ne font pas des chats et les Juifs n'allaient pas produire autre chose que des menteurs. Donc forcément, ça devait se bâtir là-dessus. Mais le problème, c'est que ça ne résiste pas à l'examen, donc il faut de la répression. Alors, s'il ne bouge pas, et que finalement Vincent Renoir fait ses vidéos sur le loco, ça se diffuse tranquillement, ça circule, voilà. Donc il faut réprimer. Mais si on réprime, ça attire l'intérêt des gens qui posent des questions, qui s'intéressent, dire bon mais qu'est-ce qui se passe, est-ce que effectivement ce que nous ont dit c'est pas tout à fait ce qui s'est passé, etc. Bon, voilà. Et alors là, comme tu l'as bien dit, c'est la consécration, parce que pour deux choses, c'est l'extradition. Alors ça c'est spectaculaire, donc ça devient international par définition, une extradition par définition internationale. En Écosse, c'est un pays de 6 millions d'habitants. Je respecte évidemment, bien évidemment. Enfin, je respecte l'Écosse. Hein, y a pas de. Mais il doit pas non plus passer d'affaires internationales tous les jours. Et tout d'un coup, il découvre qu'un homme vit caché chez eux et que c'est un révisionniste, etc. Et puis alors, il voit la cavalerie arriver. Il voit vraiment les grands moyens. Il dit mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en jeu? Donc déjà, toute la presse écossaise en a parlé, la presse britannique a enchaîné, c'est-à-dire la BBC, Sky News, le Times de Londres a accordé un article sur le sujet, et ça devient un feuilleton, parce que vous savez que c'est une procédure judiciaire en plusieurs étapes, donc forcément, à chaque comparution, il y a un article. D'ailleurs, on dit, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il dit pour sa défense? Qu'est-ce que disent ceux d'en face? Voilà, il y a un suspense qui s'établit, quoi. Et Et The Times n'était pas très très très. En fait, ils ont carrément titré en disant que c'était mal barré pour obtenir son extradition. Alors moi, je veux dire, je vais pas m'avancer sur ce qui va se passer parce que vous savez que dans ce genre de dossier-là, tout est très politique. Bon, les avocats étant ce qu'ils sont, le droit étant ce qu'il est, on peut toujours il y a beaucoup d'inconnus qui règnent. Ceci étant dit, ce qui est sûr, et je vais pas en dire trop, mais ce qui est sûr, c'est que Vincent n'est pas désarmé. Donc il faut le savoir, hein. Donc il n'est pas là pieds et poings liés, sans moyen de se défendre. Il faut savoir que là, au plan juridique, il y a quand même pour Vincent un certain nombre de possibilités à exploiter pour sa défense, ce qui évidemment il ne va pas manquer de faire. Donc on suit ça de près. Mais les Juifs, là, qui ont exulté en disant ça, on l'a attrapé, ça y est, etc., je crois que ils devraient, hein, faire preuve d'un petit peu plus de circonspection. Mais les Juifs étant les Juifs, ils n'ont pas pu s'empêcher de fêter la mort du Goy avant de l'avoir entre leurs mains. Bon. Alors. Je tiens à dire aussi que le moral de Vincent est bon, il est en prison, mais il est bon. Les circonstances de détention en Écosse sont, à ce stade, meilleures que ce qu'on peut retrouver en France. Bon, je pense qu'il en parlera lui-même, mais aux dernières nouvelles, il est dans une cellule avec un autre détenu, donc ils étaient deux. Et il n'y a pas, en Grande-Bretagne, et en tout cas en Écosse, de phénomène de surpopulation carcérale, en tout cas pas dans l'établissement où il se trouve à Édimbourg. Hein. Je vais communiquer l'adresse de Vincent puisque si vous souhaitez, moi je vous y invite à lui écrire. Évidemment, Monsieur Vincent Renoir, HMP Édimbourg. Alors vous écrivez Édimbourg comme suit, j'appelle E D I N B U R G H Scottish Prison Service, donc Scottish S C O T T I S H Prison, ben comme une prison, Service comme un service. 33 Stenhouse Road, donc là j'appelle 33 Stenhouse, S-T-E-N, H-O-U-S-E, plus loin, Raud, R-O-A-D. Alors ensuite, code postal, E-H-1-1-3-L-N, je répète, E-H-1-1-3-L-N, Édimbourg. J'ai appelé Édimbourg au début, pas la peine de répéter. Scotland, donc S-C-O-T-L-A-N-D. United Kingdom. Non, ça, bon, Royaume-Uni, United Kingdom. Et alors, le numéro de cellule, le voici, c'est 160-071. Alors, envoyez-lui des courriers. Bien sûr, vous pouvez lui envoyer un courrier en restant anonyme. Vous n'êtes pas obligé de signer votre lettre, hein, pour rester anonyme. C'est pas un problème. Je tenais à dire effectivement que c'est, alors le mot était juste, hein, de la part de Jean. C'est une consécration effectivement parce que il y a un avant et un après cette affaire. Hein. C'est-à-dire qu'avant Vincent avait des problèmes judiciaires entre la Belgique, la France. Maintenant, il a une visibilité, sachez-le, en langue anglaise. À commencer par le Royaume-Uni, mais même déjà au-delà, dans les autres pays de langue anglaise. Donc il a une visibilité maintenant qui est réellement internationale. C'est un cas d'extradition pour révisionnisme, ces cas sont toujours très médiatisés. Donc Vincent a acquis une nouvelle stature. En l'espace d'une semaine, il a acquis une nouvelle stature. Il a acquis une nouvelle visibilité. Et dans l'arène du révisionnisme international, c'est-à-dire l'analyse critique de l'histoire officielle de la Deuxième Guerre mondiale, indubitablement, cette dernière semaine écoulée, ces 10 derniers jours écoulés, sont un changement majeur pour Vincent, qui maintenant va voir tous ses travaux prendre une nouvelle ampleur. Et je pense qu'un certain nombre de personnes d'ailleurs vont traduire ces travaux, ils vont traduire ces vidéos parce que un peu comme Robert Forisson, il porte le flambeau quoi hein, du révisionnisme historique. Il n'est pas le seul, hein, attention, il n'est pas le seul, mais bon, il fait partie des quelques très grands quoi maintenant. Hein, ça c'est sûr. Il y a eu d'autres précurseurs, hein, je veux dire. Bon, je vais pas tous les citer, mais bien sûr, il y en a eu d'autres, mais là, Vincent, il prend vraiment toute son ampleur. Hein, je veux dire, donc on sort du cadre franco-français ou franco-belge. Maintenant, on n'est même plus dans le cadre vraiment européen. On est dans le cadre international de langue anglaise. Et là, ça fait mal. Là, ça fait mal. Hein, donc les Juifs aveuglés par leur haine, hein, ne peuvent pas s'empêcher de persécuter. On devrait dire quand même, parce qu'ils se plaignent souvent. Je voyais ça récemment là. Ils se plaignent, parler du Christ, etc. Mais ils étaient pas contents parce que bon, c'est pas ces détails, mais l'histoire du Christ, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont cloué un type sur une croix, et depuis 2000 ans, ils se plaignent que le mec, par ses enseignements et ceux qui le suivent, leur nuisent. Oui, bah, fallait pas le foutre sur une croix pour commencer. Là, vous êtes les premiers abrutis dans l'histoire. Alors, on devrait se dire, bah, les Juifs ont compris la leçon. Eh bah, pas du tout. Non. Ils continuent à créer des martyrs à la chaîne. Et ça n'arrête pas. Et évidemment, se produit ce qui se produit à chaque fois. C'est-à-dire que, finalement, les gens se posent la question, pourquoi le martyrise-t-il? Dit-il vraiment des folies? Il y a peut-être un fondement, etc. Ça, vous connaissez la suite. Et c'est ce qui se passe sous nos yeux. Donc, voilà. Donc, pour ma part, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. On suit le dossier de très près, on apporte tout notre soutien à Vincent, mais je crois que cette bataille n'est pas gagnée d'avance pour les Juifs, en dépit des moyens déployés et de l'influence qu'ils ont. Cette bataille n'est pas gagnée d'avance par les Juifs, et si, qu'à Dieu ne plaise, les Juifs la perdent, ça sera une défaite inédite pour les Juifs. Dans ce cas d'espèce et vu le sujet, ça sera une défaite inédite pour les Juifs. Donc, il y a beaucoup en jeu. Il y a beaucoup en jeu. Beaucoup plus qu'on ne pourrait croire de prime abord. En disant, oui, mais c'est juste quelqu'un qui a dit quelque chose sur Internet, il faut le punir, il faut le mettre en taule quelques années. Et puis... C'est beaucoup plus que ça. D'accord ? Donc là, les Juifs... mise gros, hein, ils ont misé gros, bon bah voilà, hein, on va voir s'ils sont aussi heureux que Patrick Bruel au poker, quoi. L'article 24 bis de la loi du 21 juillet 1990 prévoit, je cite, que toute personne qui conteste l'existence de crimes contre l'humanité est passible au maximum d'un an de prison, de 300 000 francs d'amende et de 5 ans de déchéance civile. Ils ont buté cette beauté démentielle pour occulter la vérité de vos parrainés, l'État d'Israël, tour de passe-passe financier, loi Bayrou, c'est procès démentiel pour occulter la vérité de vos parrainés, l'État d'Israël, tour de passe-passe financier. Ils ont déclaré la chasse aux sorcières. Nos historiens sont bâillonnés. Ils ont truqué notre histoire entière pour préserver leurs intérêts. Ils ont déclaré la chasse aux sorcières. Nos historiens sont bâillonnés. Ils ont truqué notre histoire entière pour préserver leurs intérêts. Rubrique numéro 2, messieurs, la salle juive de la semaine. Allez, on est lancé, on y va, hein. On fonce là. Émilie Fraîche, haut la main, sans aucune espèce d'opposition. Alors pourquoi? Qui est-elle? De qui est-ce que je suis en train de parler? Eh bien, c'est une réalisatrice, en tout cas sur le papier. Qui a réalisé le film Les Engagés, actuellement diffusé au cinéma, dans 136 salles quand même, et qui raconte l'histoire, en fait, d'un couple, hein, qui vient en aide à un migrant d'Afrique clandestin. Donc en fait, c'est un film sur des gens qui s'engagent, hein, donc un couple de blancs, hein, qui s'engagent pour aider des migrants d'Afrique à nous submerger. Alors, je précise qu'Émilie Fraîche est une juive séfarade originaire d'Algérie. Elle est mariée à un autre séfarade qui s'appelle Gedge et qui est un socialiste, hein, donc socialiste séfarade, intéressant comme concept. Voilà, donc là on est au cœur, hein, on est au cœur du cal, hein, là, on n'est pas à côté, hein. Et alors, son film, hein, a bénéficié d'une couverture médiatique absolument extraordinaire. Elle était présente sur des tas d'émissions, elle a été présente sur la chaîne parlementaire, LCP, elle était présente sur la 5, il y a un talk show, là, régulièrement, chaque semaine, je sais pas, même tous les jours de la semaine, sur la 5, elle y était aussi invitée, je vais pas tous les faire, hein, mais je parle même pas de la presse généraliste qui a fait des papiers là-dessus. Il y a même TV5 Monde qui en a fait la promotion. Enfin, c'est un film qui a été lourdement mis en avant par tout l'espace médiatique parisien, d'accord ? Alors, de fait, français, puisque tous les médias sont à Paris ou pratiquement. Donc, voilà, les gens ont été invités à aller voir ce chef-d'œuvre, hein, de l'art juif algérien. Et alors, le succès n'est pas au rendez-vous, hein. Je cite ici Destination Ciné, hein, qui en fait régulièrement sur Twitter fait des updates sur les chiffres de fréquentation des salles. Et alors voici ce qu'on nous dit. Aïe, seulement 1815 personnes se sont déplacées hier mercredi pour voir Les Engagés, sorti dans 139 salles, j'avais dit 136, je me suis trompé, 139 salles, le film acte militant visant à réveiller les consciences vis-à-vis de l'accueil des migrants, je cite ici le journal La Croix, affiche une moyenne de 13 entrées par écran. Budget 2,5 millions d'euros, hein, voilà. Bon, merci aux contribuables français qui vont éponger la note. N'en doutez pas, ça s'appelle le CNC. Et je vous rappelle que lors du Covid, Emmanuel Macron, par le biais du ministère de la Culture ou prétendu tel, a annoncé des centaines et des centaines de millions d'euros de subventions pour les cinémas. Enfin bref, c'est l'Union soviétique, les salles peuvent être vides, le pognon continue à tomber dans les poches du peuple élu, parce que, évidemment, le cinéma français, c'est les juifs. Hein. Là, les Français, je sais pas s'ils sont au courant, mais producteurs, réalisateurs, c'est les juifs à tous les étages. Hein. Voilà, vous avez juste le choix entre les séfarades et les ashkénazes. Voilà. Vous avez le choix entre les deux. Voilà, c'est tout. Donc, les gens sont là, oh, le cinéma français, c'est vraiment devenu de la merde. Mais oui, mais vous faites l'expérience de la culture juive, en fait. C'est tout. Il y a plus de films français, parce qu'il y a plus de français qui font des films. C'est aussi simple que ça. Voilà. Maintenant, il y a des juifs qui font des films. Et c'est effectivement universellement de la merde. Et comme ils le disent, militants, puisqu'effectivement, cet immigré juif originaire d'Algérie milite pour abattre la race blanche, parce que évidemment les juifs haïssent racialement les blancs, ils veulent les voir être détruits, génocidés. Donc pour eux, l'immigration, c'est simplement un moyen, par procuration, de détruire la race blanche. Hein. Donc en fait, c'est bien militant, effectivement, il s'agit de détruire la race blanche en faisant l'apologie de l'accueil des migrants, voilà, avec l'aide de toute la gauche voilà, établie. Voilà, alors bon, le bide est au rendez-vous. Sur ce, Émilie Fraîche a réagi. Choquée, alors non pas du bide que son navet a fait, voilà, mais du fait que, d'après vous, il y a deux solutions là. Hein, soit elle regarde les chiffres, elle dit, bon, mon film est nul, parce que je suis nul, et j'arrête de toucher, je ne touche plus jamais une caméra, et j'accepte de porter l'étoile jaune. Bon. Ou alors, elle accuse les goïms de ruiner sa carrière, parce qu'ils ne vont pas voir ses films. Alors, bon, pas de suspense, pas de roulement de tambour, parce que vous connaissez déjà la réponse, vous savez quelle option elle a choisi, hein, c'est bien évident d'accuser les goïms, hein. Bon, voilà. Bon. Alors, je cite son tweet. « Salut, chers tous, la fachosphère se déchaîne, terrifiée que l'humanisme mis en avant dans mon film infuse. » Donc c'est un succès, d'après elle, ça infuse, le message passe. « Ils ne me font pas peur. Je me retire juste comme on coupe le son pour ne plus les entendre. Et je compte sur tous ceux qui ont aimé et aimeront les engager pour les faire vivre. » Voilà, voilà, c'est le message fort. Et alors, elle donne des captures d'écran qui, hélas, hein, on s'en excuse. Enfin, parmi les captures d'écran, il y a quand même une qui met en avant démocratie participative, dont elle n'a pas aimé la recension artistique. Je suis allé, on a une rubrique critique cinéma. Moi, je trouvais que le c'est étonnant. Je sais pas, attendez, moi je trouvais que c'était plutôt bien. Tu lui fais de la publicité ? Moi je croyais qu'il n'y avait pas de mauvaise publicité. Ah bah, démocratie participative est sensible à l'activité culturelle, comment dirais-je, du peuple élu, mais alors le titre était bien, c'était plutôt pas mal. Les engagés, découvrez le film émouvant de la juive Émilie Fraîche sur l'obligation de recourir la France de migrants musulmans. Ça change de Télérama, on est d'accord. Et c'est plus proche. Est-ce que c'est pas son film plutôt qui fait de la pub ADP finalement? Ah. Elle devrait faire un biopic, je sais pas. Bref. Non mais c'est marrant quoi. Bon, elle hurle. Alors je vois pas ce qu'elle reproche à démocratie participative parce qu'elle est effectivement juive. Bon. Alors, où est le? Je comprends pas. Alors donc elle hurle à l'antisémitisme. Alors il y a eu toute une querelle de gens qui ont réagi. Donc Alain Jakubowicz, déjà il est presque mourant, je crois. Il est très âgé cet homme maintenant. C'est l'ancien patron de la LICRA, vous savez. Il s'est fait connaître parce qu'il défend l'égorgeur d'enfants là. Comment il s'appelle? Le Landais. Normal. Ouais, voilà. Oui voilà c'est ça. Ouais. Donc il défend. Il a des engagements qui sont les siens. Hein. Ça nous. Ça me rappelle peut-être l'affaire Epstein, des choses comme ça. Et alors, une caution morale éminente. Alors lui, il a dit, mais oui, vous avez vu, hein, à travers les époques, finalement, il passe les frontières et les époques. Alors oui, je connais aussi un peuple qui passe les frontières et les époques, malheureusement pour nous. Suivez mon regard. Et alors, aujourd'hui, c'est la consécration. Puisque Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation, ce qu'il en reste, quoi, a réagi, hein, il a réagi. Il a dénoncé en termes très forts les démocratie participative. Alors je lis le tweet du ministre de l'Éducation de Macron, hein, puisque je l'ai sous les yeux. Les insultes antisémites à l'encontre de la réalisatrice Émilie Fraîche sont intolérables. Elle rappelle malheureusement le combat permanent à mener contre la haine et la bêtise crasse. Tout mon soutien. Alors, messieurs, je rappelle aussi, avant de vous donner la parole, que Pape Ndiaye a épousé Madame Mangin Lazarus, qui n'est pas catholique, hein, elle est juive aussi, donc c'est un petit monde tout ça, et il a eu des enfants avec une juive, donc évidemment, Papendia étant le père d'enfants juifs, je comprends sa sensibilité au sujet de ce que l'on appelle à tort d'ailleurs l'antisémitisme, puisqu'il s'agit de contre-sémitisme, hein, puisque c'est une agression caractérisée en l'espèce. Hein. L'appel à coloniser la France, bon, je sais que les Français, les Juifs sont coutumiers d'appels à coloniser la terre des autres, hein, parce que, bon, il y a quand même maintenant presque 80 ans qui procèdent en Palestine de cette façon. Alors, je vous donne la parole, les engagés, allez-vous, messieurs, dépenser votre argent durement gagné au cinéma en allant voir Les Engagés pour montrer que vous êtes solidaires d'Émilie Frèche, ou pas, déjà, premièrement, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ce film que vous n'avez pas vu, mais alors contrairement à moi, je l'ai pas vu, je peux pas critiquer. Si, vous pouvez dégueuler sur un film que vous avez pas vu, hein, c'est parfait. Si vous lisez le synopsis, c'est bon. Hein. Si l'histoire de base elle est nulle, il y a pas de problème. Hein, voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Je vais commencer et je dirais tout d'abord, pour rebondir sur ton dernier propos sur notre cher ministre de l'Éducation, eh bien j'espère que au-delà du soutien politique, il va aussi faire un soutien financier en diffusant massivement dans les lycées ce chef-d'œuvre en devenir, bien entendu. Mais disons, au-delà de ça, je pense que justement en voyant, moi je fais effectivement pas part des 1800 privilégiés qui ont eu accès à ce film magique, mais rien qu'avec la bande-annonce, on peut voir pas mal de choses. Et je dirais que en fait, c'est un film qui montre la vision que ces gens ont d'eux-mêmes, la vision qu'ils voudraient se donner, c'est-à-dire les grands sauveurs, les grands humanistes, ceux qui ont raison contre la justice oppressive, contre la police méchante qui les chasse, etc. Alors qu'on sait très bien que dans la réalité, il n'y a rien de tout ça, en fait, que ce soit sur la police, la justice, et même sur eux. C'est toujours intéressé ce qu'ils font. Mais au-delà de ça, je dirais que pour moi, ça montre bien que tout cet immigrationnisme, sous couvert de fraternité ou je ne sais quoi, ça montre une irresponsabilité à l'état pur. C'est-à-dire qu'ils se cachent derrière des pseudo-valeurs, mais finalement, leur action ne leur apporte pas de conséquences. C'est-à-dire qu'ils vont dire « Ah mais oui, il faut sauver tout le monde, vous comprenez, il faut accueillir tout le monde. » Mais derrière, ils en ont rien à faire des conséquences. C'est-à-dire que dans le pire des cas, par exemple, il faut rentrer des terroristes, des violeurs et que sais-je. Mais même dans des cas moins graves, pourrait dire, et encore que toute cette immigration pèse sur les salaires de l'ouvrier français, etc. Le pire dans tout ça, c'est que ces gens, après, ils ont des conditions de vie qui sont déplorables en France. Enfin bref, tout le monde en pâtit, mais eux, ils sont contents. Ils ont rempli leur grand cœur humaniste, ils ont pourri la France, on est dans un état de négrification totale, mais ils sont encore contents, et la seule chose qu'ils arrivent à dire, c'est de se tourner vers l'État et dire « Mais pourquoi vous financez pas plus cette invasion, messieurs ?» Donc voilà, moi c'était simplement ça, ce film m'a apporté le... Enfin, en tout cas, de voir que ce film avait été produit m'a apporté le plus grand dégoût, encore une fois, et j'espère qu'ils s'arrêteront un jour avec ces conneries. Ouais, ben un peu dans la même idée que Nogaret, moi j'aimerais qu'il y ait un film qui s'appelle Les Dégagés, au lieu de Les Engagés. Ça permettrait à ce qu'ils dégagent dans un petit territoire au sud de la Méditerranée, à droite sur la carte. Mais pas que. Et peut-être que ça permettrait à des cinéastes de faire des films qui font pleurer dans les chaumières, mais non pas pour ce genre de sujet, mais pour d'autres, comme par exemple Lola, l'assassinat de Lola, ou d'autres victimes qui ont été victimes à cause justement de cette immigration, d'accord. Et puis ça permettrait peut-être aussi à des gens comme Papendiaï d'arrêter de transformer les enfants blancs en transgenres, ce serait pas mal également, voilà. Il a dit que la sexualité c'était sa grande priorité en tant que ministre de l'Éducation, c'est intéressant comme concept, effectivement. Il a dit, hein, c'est pas moi. Il a insisté, c'est pas qu'une fois. Je crois qu'il y a encore une dizaine de jours, il est passé à la radio, il a encore lourdement insisté en disant la sexualité, c'est le... Bon, cet homme a une tête de satyre, hein. Si vous regardez bien, il y a quelque chose qui colle pas, hein. À mon avis. Ouais, il y a quelque chose qui tombe pas rond, ouais. Qui colle pas. Mais dans ce que t'as dit, moi, là, c'est une interrogation qui est la mienne, mais qui n'en est pas vraiment une. C'est-à-dire, si demain, un réalisateur français décide de faire un film sur, l'affaire Lola, le meurtre de la jeune Lola, mais un film non orienté, simplement, qui narre, en fait, les faits. D'après vous, qu'est-ce qui se passerait dans la presse? Ce film serait évidemment amalgamé à une récupération d'extrême droite, comme il est convenu de la qualifier de nos jours. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas aujourd'hui en France faire un film sur l'assassinat de Lola, objectif, sans sous-entendu, hein, simplement factuel. Hein, vous faites simplement un film sur les faits en eux-mêmes, hein, d'accord. Cherchez pas spécialement à noircir le tableau, cherchez pas à diaboliser l'Algérienne qui a fait ça à l'écran ou quoi que ce soit, mais vous restituez les faits. C'est évident que ça ne serait pas possible, c'est-à-dire que le seul film qui serait possible de faire sur le meurtre de Lola ne pourrait avoir, qu'un axe narratif, c'est-à-dire, oui, mais cette Algérienne, quelque part, c'est aussi une victime de la société. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait dédouaner les immigrés algériens impliqués dans cette affaire, parce qu'il y en a plusieurs, et les présenter comme des victimes, alors c'est de la drogue, des passeurs, des violences policières, de l'indifférence sociale, de la déshérence, enfin, ce que vous voulez, mais il faudrait des circonstances atténuantes. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas montrer les faits tels qu'en eux-mêmes. Il faudrait forcément magnifier les agresseurs, les assassins. Et ça dit beaucoup. Ça dit beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, un film sur Lola n'est pas possible aujourd'hui en France. Ça n'est pas possible. Et ça résume tout. Alors, le deuxième truc, c'était sur ce qu'a dit Nogaret. T'as dit, les gauchistes, dans ce film-là, alors en tout cas par la bande-annonce et l'axe narratif choisi, tu dis, comment ces gens se voient. Alors, non! C'est comment ces juifs se voient. Différent. C'est-à-dire qu'en fait, la bobocratie s'identifie aux juifs. D'accord? Ils s'identifient aux juifs. Mais la réalisatrice juive, elle, à l'écran, elle met ce qu'elle pense être. Et là, qu'est-ce qu'on a derrière ça? C'est quoi cette structuration mentale qui est en mouvement et qui se traduit par ce film? Mais c'est cette vieille mentalité messianique qui structure la cervelle des juifs depuis des millénaires. D'accord? Ils arrivent dans un pays, ils le saccagent pour le mettre à l'heure juive. D'accord? Donc ils imposent, ils déforment, ils défoncent le pays où ils arrivent pour le conformer à leur représentation mentale héritée depuis leur Judée natale. Vous comprenez? Et ça a un nom dans l'eschatologie juive, hein, c'est la tikkun olam, la réparation du monde. Donc le mec arrive chez, donc l'hébreu arrive chez toi et il te dit, t'as vu, ton pays il est pété. Ton pays il est pété, faut que je le répare. Alors, ah bon, je suis pas au courant. Non, mais de toute façon, je te l'ai dit, c'est pété, donc je vais réparer maintenant. Donc tu vois le mec, il sort sa boîte à outils, il commence à réparer ta maison. Tu vois comment il répare, il prend un marteau, il commence à péter ton évier, tu vois, il commence à péter la fenêtre, il fait rentrer des nègres à l'intérieur, il défonce le frigo, il fout le lit par la fenêtre. Tu dis voilà, non mais je répare à fond là, donc tu me fais pas chier, sinon t'es un antisémite. Et en fait, quand il y a une réaction en fait du légitime propriétaire, le mec hurle, dit ah le pogrom, au secours, aidez-moi, le salaud. Non, non, non, non, c'est juste que les agressés se défendent. Les juifs sont des incendiaires, d'accord? Leur mentalité, ce qu'ils appellent la tikkun olam, c'est le saccage du monde, c'est pas réparer le monde, c'est saccager le monde pour leur conformer à leur propre vision, mais personne veut d'eux. On veut pas, ils ont pas à réparer le monde, les juifs, d'accord? Ok, les juifs, c'est quelques millions de pelés, d'accord? Et leur pays, c'est un trou de chiottes au fond de la Méditerranée, d'accord? C'est juste leur place sur cette planète. Ni plus ni moins. Donc qu'ils arrêtent de s'approprier la planète entière en voulant la réformer, c'est pas leur rôle. Donc vous comprenez. Une fois que vous avez compris cette vision-là, vous comprenez les Glucksmann, vous comprenez les Bernard-Henri Lévy, vous comprenez les Soros, Vous comprenez toute cette bande qui s'est échappée depuis leur depuis sa Judée natale. Vous les comprenez. Ces gens sont des fanatiques religieux. Et comme je vous le dis, c'est pour ça que les gens disent non mais les juifs ils sont pas prosélytes. Alors ça c'est vraiment ne pas comprendre ce que sont les juifs. Les juifs sont les plus prosélytes du monde. Même les musulmans à côté ils sont pas prosélytes par comparaison. Les juifs sont ultra prosélytes. Simplement dans leur prosélytisme il y a toujours deux classes de personnes. Les juifs et les goïms. Dans le monde musulman, au moins, quand vous convertissez à l'islam, vous avez les mêmes droits que tous les autres musulmans. Dans le système juif, vous faites jamais partie du club parce que c'est un club racial fermé. Donc, ils réforment, entre guillemets, donc ils saccagent votre univers, ils détruisent votre culture ancestrale, ils saccagent votre droit, ils démantèlent vos frontières, ils vous submergent de toutes les races étrangères, ils sèment le chaos partout. Donc ça, c'est pour vous. Mais vous pouvez pas faire partie du système, vous pouvez pas faire partie de la tribu. C'est pas possible. C'est un club extrêmement fermé, et il est fermé sur une base raciale. Vous voyez? Donc c'est toute l'hypocrisie de ces gens. D'accord? Donc ils disent, voilà, on va rénover le monde, on va le truc. Et en fait, quand tu creuses, non mais déjà tu peux pas faire partie de leur club. Ah bon? Donc eux, chez toi, ils sont chez eux, mais toi, chez eux, t'es un larmin. Ça, c'est la mentalité des juifs. Malheureusement, quand on dit « Oui, c'est un film de gauche, c'est un film gauchiste », non, vous avez loupé le tir, c'est un film juif. Et la bobocratie, qui n'a pas de représentation collective en propre, se contente d'absorber comme une éponge les représentations que la bourgeoisie juive produit pour elle. C'est ça qui se passe, d'accord? Et j'en termine, l'enjeu c'est quoi? Bah, c'est de bâtir nos propres représentations. Il faut qu'on ait nos propres représentations mentales, historiques, parce que sinon on ne sait pas qui on est, on ne connaît pas notre être profond, on ne sait pas ce qu'on doit défendre, et on laisse ces réchappés du souk de Palestine nous vendre leur camelote de très mauvaise facture, peut-il le rappeler. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Voilà, Émilie Fraîche, c'est effectivement une sale juive. Jean Bureau, et on t'a pas entendu, Mathieu. Oui, bah, vous avez assez bien couvert le sujet. Je pense qu'on peut un peu parler du Talmud. c'est l'aspect central du Talmud, c'est que nous sommes des animaux et que les Juifs doivent nous diriger, tel un berger dirige un troupeau de moutons. Et donc, quand ils font ce genre de film, ils s'attendent à ce que nous suivions docilement jusqu'à l'abattoir notre berger juif. Qui nous amène au milieu d'une meute de loups. En gros, c'est un peu ça, l'imaginaire juif. Elle veut une infinité de nègres et de musulmans pour repeupler la France, qu'elle trouve trop rance, parce que quand ils se reproduisent entre eux, eux, ils sont pas rance du tout. Mais à mon avis, un aspect assez intéressant et important à souligner, c'est le budget. Si mon chiffre est correct, c'est 2,5 millions d'euros. L'aspect complètement aberrant, en fait, quand on regarde d'un point de vue un peu plus, avec un peu plus de hauteur, des ressources dépensées pour importer des nègres en Europe de l'Ouest, ou en Europe de manière générale. C'est-à-dire qu'on déracine des animaux tropicaux pour les mettre sous des latitudes tempérées, voire froides. Donc à des endroits où ils n'ont strictement rien à faire, il n'y a aucune chance de survie, surtout que ils sont encore au paléolithique, hein, ils sont à l'âge de pierre les nègres, ils sont avec des huttes en boue et en bouse de vache, et puis on les fait venir et on essaye de nous expliquer que le projet c'est de les mettre sur des vélos avec des sacs Uber Eats, c'est que ça va relancer l'économie, c'est génial, c'est de l'humanisme. Il faut des nègres à vélo pour aller servir les bobos qui ont la flemme de descendre chercher à bouffer au restaurant, parce que bon, c'est très fatigant. Ou même maintenant, j'ai vu qu'ils peuvent commander un nègre pour leur course. Donc à Paris, ils ont tout ce qu'il faut d'esclaves serviles pour les servir, et les juifs sont très heureux de leur offrir, puisque comme t'as bien expliqué, ils accomplissent leur mission. Et bon, bah, quand on regarde la filiale de A à Z, il y a un bateau, enfin des bateaux qui sont financés quand même assez cher, hein, ces gros bateaux type Océan Viking, c'est pas rien, on va les foutre au large des côtes libyennes, ils vont chercher des nègres à pirogue, ensuite ils les ramènent en Europe maintenant de plus en plus loin, avant simplement vers le premier port d'Italie, visiblement maintenant faut venir à Marseille ou à Toulon. Et donc ça fait quand même du diesel, hein. Le réchauffement climatique, moi j'attends d'entendre les gauchistes là-dessus, donc ça coûte très cher. Y a tout ce qui est logement ensuite qui leur sont proposés, on leur file des cartes de crédit avec retrait journalier. Alors je sais pas combien c'est, je crois que ça change, mais ils peuvent à minimum, je pense qu'ils doivent pouvoir retirer 20 à 30 euros par jour. Donc vous multipliez par 7 par tête de négro, ça fait quand même rapidement cher pour l'État français. Vous rajoutez la CMU, vous rajoutez les films sponsorisés par le CNC, donc en l'occurrence les engagés que personne ne va voir, donc c'est 2,5 millions de pertes nettes pour le système. Ah non, oui d'accord, mais en tout cas bon. Oui, pour en fait le CNC, je pense que ça a été financé par ça. C'est les gens qui vont voir des films corrects ou des films hollywoodiens ou je ne sais quoi. Une partie du billet, si ça coûte si cher maintenant les billets de cinéma en France, c'est que une grosse partie du billet va à financer des films comme Les Engagés. Donc quand vous allez au cinéma, quoi que ce soit que vous alliez voir, vous financez Les Engagés. C'est ça qui est fabuleux en France. C'est que d'une manière ou d'une autre. On est sur combien au niveau du ticket moyen au cinéma en France aujourd'hui, là? C'est quoi le ticket moyen? 13 euros environ. Ouais, j'aurais dit ça. 12-13 euros. Donc une famille, 4 personnes, à quoi que je connais pas les tarifs enfants, mais, on veut dire un groupe de 4 copains, on est sur du 50 euros, quoi, tranquille, quoi. Pour 2 heures de film. Oui, et donc il me semble que la part du CNC c'est 3-4 euros. Je suis pas certain, mais ça fait quand même une partie conséquente du prix du ticket qui va pour financer des daubes pareilles. C'est déjà le gentil. Comme j'ai expliqué, c'est le denier du culte. Hein. Oui. C'est le denier du culte. Ben oui. Eh oui. Comment nos prêtres juifs vont-ils travailler si on ne verse pas notre obole, hein, de plébéien goy qui est dû à la classe sacerdotale. Comment fait-on? Bah, je pose la question. Voilà. Bon, après ils ont d'autres moyens de se financer. Ils sont inventifs. Quand les goyims vont plus au cinéma, ils font de la dette. Et donc bon, simplement pour dire la quantité en fait absolument délirante et donc antinaturelle, parce que tout ça s'est totalement imposé sur les Français, sur la population française. Il n'y a rien d'organique, c'est contre nature totale. Donc c'est un système qui tient de manière purement artificielle, parce que la finance juive est encore en train de financer ces conneries. Enfin bon, dans l'affaire, là je parlais du CNC, mais par exemple pour les bateaux de migrants, c'est Soros, on le sait, et un certain nombre de membres de la juiverie internationale. Donc ils dépensent, mais enfin moi je pense qu'un jour ça va s'arrêter, les fonds vont s'arrêter, et là on va revenir à l'état naturel, et là ça va pas être très joli, je pense, pour tous ces gens qui ont essayé de nous imposer des choses totalement contre nature. Et un dernier point, et je m'arrête là, c'est le, de manière générale, Hollywood et toute cette possession par les juifs de notre imaginaire, tout le divertissement, notre imaginaire qu'on appelle culturel, c'est une véritable catastrophe. Et même quand, bon, là c'est l'extrême, Les Engagés, mais il y a plein d'autres films qui sortent que les gens vont voir et qu'ils apprécient plus ou moins modérément, qui sont des véritables bombes mentales pour les nôtres, pour les blancs, et ça les reconditionne totalement. Et ça fait maintenant plus de 50 ans au moins, voire plus, que les juifs ont une mainmise absolue sur tout ce qui est production culturelle, que ce soit en France ou aux États-Unis. Et bon, bah ici effectivement, comme tu l'as bien dit, il y aura un terrain à défricher, il y aura vraiment quelque chose à construire quand on aura repris le pouvoir, pour recréer des représentations du monde, des belles représentations du monde qui ne correspondent pas à l'esprit juif. Et dernier exemple, j'en finis là. J'ai regardé un film très récemment d'Hollywood. C'est Blade Runner 2049, il me semble, un nom comme ça. Et bon, il est assez connu parce que il y a pas mal de mèmes qui sont faits dessus. Mais c'est un film extrêmement sombre. Et je me suis dit que ça pouvait être fait que par Hollywood et la juiverie parce que ces gens ont l'esprit très très sombre et ils voient toujours l'avenir de manière dépendante. C'est un monde où tout est détruit, il y a plus de nature, il y a même plus d'animaux, les gens vivent dans des espèces de mégalopoles déshumanisantes à souhait. Et c'est ça l'esprit juif. C'est, à mon avis, c'est une quintessence. C'est systématiquement soit du poison comme là les engagés, ou alors des mondes extrêmement noirs et des futurs extrêmement noirs qui nous proposent, entre autres avec leur réchauffement climatique. Oui, exactement. Glauque sur le reste du monde. C'est ça le problème, c'est qu'ils projettent le tréfonds de leur âme qui pue la mort sur le reste du monde, et ils utilisent les vecteurs qui sont à leur disposition pour le faire. Donc il n'y a jamais de choses positives, c'est toujours des choses qui sont sinistres, sales, c'est souvent sale. Les juifs aiment beaucoup la saleté, ce qui est sale. C'est obscène, vulgaire, ouais. C'est ça leur truc, quoi. Voilà. Donc, et ils vous tirent le monde dans la souillure, le caniveau. C'est ça que font les juifs. Les juifs sont comme ça. C'est leur être profond. Et voilà, ils peuvent pas s'empêcher. Bon, alors bon, très bien. Mais quand vous le savez, il faut pas les laisser rentrer. C'est tout. C'est ça qu'il faut savoir, hein. Et malheureusement, alors donc le CNC, ils ont carrément mis ça en coupe réglée. Donc ils se distribuent l'aide comme ils veulent. Enfin, c'est vraiment ça. C'est un carré de juifs qui se distribue le cash comme ils veulent. Et en plus, ils sont pas. Les gens sont là. Ouais, ça fait un bide. Oui, mais c'est pas un problème dans le système français, parce que comme on est dans un système étatisé, c'est le contribuable français, c'est-à-dire c'est le con de goy français qui passe à la caisse. Donc c'est pas un problème pour un réalisateur, un producteur juif de faire un flop, parce qu'il va se récupérer avec des copains qui sont ministères de la culture, au CNC, etc. Par l'entre-gens d'eux, et ils vont truc, et puis ensuite ils vont monter un char, et c'est aussi pour ça que le NDI il monte un peu au front, en disant, bah voilà, bah oui, non, mais en fait, vous avez vu, hein, c'est finalement, si ça fait un flop, c'est à cause de l'extrême droite, quoi, voilà, hein, c'est, voilà. Parce qu'il faut une excuse, il faut expliquer pourquoi ça marche pas, voilà, et parce que, elle doit en faire un autre de film, voilà, et en plus, n'oubliez pas que, elle est maquée au député juif Gage. Qui a ses entrées, évidemment, hein, c'est un député de Paris, il a ses entrées, évidemment, dans tout ce système. Donc les gars, ils sont déjà en train d'essayer de retomber sur leurs pattes pour que la juive fraîche puisse refaire un autre navet. Alors bon, je pense qu'elle va miser un peu plus safe la prochaine fois, elle va être un peu plus originale, je pense qu'elle va nous faire un film sur la déportation. Voilà, ça va être oui, ça. Ou un film sur une blanche qui se tape un nègre et puis qui se retrouve à, je sais pas, c'est le nègre qui élève l'enfant, il me semble qu'ils avaient déjà fait ça, mais ce genre de délire, ils adorent ça. Ah, soit ça, ou alors un film sur une pauvre réalisatrice juive oppressée par des méchants blancs. Une autobiographie. Ouais, agressé par des néo-nazis, un biopic, quoi. Non, mais voilà, bon, voilà, mais c'est tellement révélateur. Alors, le truc, c'est que, il faut voir à quel point ça s'articule avec la réalité qui est la nôtre, parce que c'est pas juste un navet sur, oh, ça serait bien qu'on accueille des halogènes, des étrangers en France. Non. Parce que c'est l'actualité de la semaine, hein, c'est le Ocean Viking, SOS Méditerranée. Le qui fait suite à l'affaire de Fournas, hein, vous en rappelez, bien sûr, évidemment, hein, c'est la même séquence, quoi, hein. Et donc, c'est extraordinaire à quel point ça s'enchaîne très bien, quoi, hein. Il y a l'affaire de Fournas avec Kiel, le bateau retourne à l'Afrique, il se fait chasser de l'Assemblée nationale, on en a parlé. Ensuite, la séquence dont on va parler maintenant sur l'accueil effectif de l'océan Viking, le film qui sort la même semaine, donc en fait, le plus drôle, c'est que pour elle, je veux dire, il y a pas meilleur timing, c'est-à-dire que pour la juive fraîche, ça devrait être l'apothéose, quoi. C'est-à-dire qu'au moment où elle sort son film sur l'accueil des migrants, il y a le Rafio qui arrive avec sous les applaudissements de la classe politico-médiatique, évidemment, hein, que vous connaissez bien. Et donc, pour elle, ça devrait être, je suis sur du velours, elle devrait faire, elle devrait faire, je sais pas, 500 000 entrées minimum, hein, voilà, et voilà, ah oui, quand même un certain succès, voilà, c'est pas un succès au box-office, 2-3 millions de, mais quand même, là, oui, vous avez fait 500 000 entrées, ouais, c'est quand même bien, ça. Et là, rien, le néant, le bide absolu. Et c'est tellement, le contraste est tellement saisissant entre l'exclusion de De Fournas de l'Assemblée, l'unanimisme de la classe politico-médiatique, le film de la juive qui arrive à ce moment-là, maintenant t'as NDI qui réagit en hurlant à l'antisémitisme parce que le film n'a pas le succès, et ensuite la débâcle de Darmanin, qui aussi a des ascendances juives, hein, faut le rappeler, avec son affaire, là, à Toulon, y a rien qui va, enfin, y a rien qui va comme eux voudraient que ça aille, quoi. Ça, t'es... Oui, et puis de Fournas qui reçoit plein de commandes pour son pinard, donc ah, ça, oui, c'est oui. Super aussi. Ça les fait, ça les rend fous. Parce que je pense que lui, il a fait plus que 1800 commandes de bouteilles, donc, effectivement, il y a des petits problèmes là dans leur système. Bah, il y a rien qui va, mais il y a peut-être un truc. Il leur reste quand même 4 ans et demi de mandat de Macron pour continuer à déverser des Africains. Et d'ici là, est-ce qu'ils seront pas majoritaires finalement s'ils leur accordent le droit de vote? Donc, c'est une question de majorité tant que les Blancs ont envie que ce soit de la démocratie en France. Hein. Je veux dire, moi j'explique ça quand même, hein, je veux dire. Exactement. Le jour où les Français disent non, mais en fait la démocratie c'est de la merde, on s'en passe. On est les patrons, hein, je veux dire, je vous explique ça quand même, hein, parce que l'Afrique de l'Ouest est mise en coupe réglée, grosso modo, a été mise en coupe réglée pendant longtemps par quelques dizaines de milliers de soldats français, parce que ça tire à balles réelles, ok. Donc faut pas non plus raconter n'importe quoi. Tu peux avoir des nègres partout en France, c'est moche, ça pue, c'est laid. Mais si les Blancs s'énervent et décident de se prendre en main, collectivement, je veux dire, et historiquement, ils décident de frapper du poing sur la table et d'inverser la tendance, croyez-moi bien qu'ils peuvent mettre ce qu'ils veulent en face. Ils n'ont rien vu, hein. Je veux dire, si les Blancs décident de se prendre en main, ça va complètement, voilà, hein, je veux dire. Ça va aller vite, hein. Ça va même aller très très vite. Hein. Donc, on voit qu'il y a un début de prise de conscience des Blancs, hein, et que du coup ils accélèrent parce qu'ils le savent. Que ah oui. C'est vrai que ça rejoint ce que tu dis. Si on décide de se prendre en main, majorité ou pas, même à 40%, si on est quelques millions, c'est suffisant pour sauvegarder un peuple. Alors, rubrique numéro 4, bon. Grand remplacement, hein, mais ça fait suite, enfin ça s'inscrit dans ce qu'on a dit. Donc c'est toute la séquence sur l'océan Viking. Donc la plupart de nos auditeurs sont évidemment bien informés de ce qui se passe parce que c'est le feuilleton à pas manquer de la semaine. Donc voilà, mais qui va durer d'ailleurs. Hein, je pense que tout le monde l'a compris. Alors voici le premier impair, c'est cité par RMC. Alors, parmi les 234 migrants du navire humanitaire Océan Viking pris en charge par la France, donc, 44 mineurs ont été conduits dans un lieu d'accueil spécifique, mais 26 d'entre eux ont depuis pris la fuite. Après leur débarquement dans le port militaire de Toulon, dans la plus grande discrétion d'ailleurs, si vous avez remarqué, hein, tout était caché, on les a pas vus, hein. La grande majorité, 190, des 234 rescapés de l'océan... Oh, putain. Excusez-moi, mais rescapé, là, je vois ça, voilà. Donc, de l'océan. Ils étaient tous mourants. Ouais, voilà, c'est bon, mais bon. Déjà, le journaliste qui a écrit ça, là, tu vois, j'ai des images en tête, c'est absolu, je peux pas les dire à l'antenne. Donc, ont été placés dans un centre de vacances de la presqu'île de, Gien, je sais pas comment on prononce ça, dans le Var. Gien. Transformé en zone d'attente internationale fermée. Les 44 autres migrants, identifiés comme mineurs, ont été redirigés vers un hôtel réquisitionné et agréé par l'aide sociale à l'enfance et le conseil départemental de Toulon. Mais à ce jour, ils ne sont plus que 18, les 26 autres, principalement érythréens, ayant pris la fuite, a appris BFM TV de sources proches du dossier, confirmant une information du Figaro. 3 des 44 mineurs avaient déjà fugué dès le lendemain et le surlendemain de leur prise en charge. Ce jeudi matin, cela fait 23 mineurs de plus qui manquent à l'appel pour un total de 26 défections, précise à nos confrères le président Les Républicains du conseil départemental du Var, Jean-Louis Masson, qui porte très bien son nom, et d'ajouter « Ces grands adolescents, c'est pas moi, hein, c'est le politicien qui parle, ces grands adolescents sont évidemment entrés dans l'illégalité en agissant de la sorte. Les mineurs non accompagnés n'avaient en effet pas le droit de sortir de l'hôtel où ils étaient encadrés par des éducateurs spécialisés à hors de prix. » Alors messieurs, bon, toute l'affaire commence très bien, donc il faut bien comprendre, hein. Le truc est hyper médiatisé, Macron se sait testé à bloc, Darmanin testé à bloc, donc tu te dis, alors les gars, ils vont pas se louper, ils vont cramer un pognon pas possible, mais ils vont déployer tout ce qui peut être déployé. Ils sont accueillis dans un port militaire, déjà pour commencer, c'est carrément la Marine nationale qui est en charge. C'est branle-bas de combat, quoi. Bah, ils avaient peur que les gens viennent protester, qu'il y ait des violences ou des trucs comme ça, c'est évident. Aussi, t'as raison, mais je veux dire, tu te dis, bon, ils vont quand même, pour les caméras, essayer de faire en sorte que le truc soit globalement bien géré. Et bizarrement, avec Darmanin, il y a... Il y a un effet Stade de France qui recommence, là, tu vois, avec des supporters anglais, là. Et tout part dans tous les sens tout de suite, en quelques heures. Donc, il y a déjà, les mineurs, hein, bon, voilà, ils sont déjà dans la nature. Et j'ai encore d'autres éléments à rajouter là-dessus. Mais, je vais y revenir après, voilà. Alors, là-dessus, sur la séquence, là. Qu'est-ce que vous avez à dire, hein, je veux dire sur le sur tout ça d'ailleurs, hein, je veux dire depuis le départ de la Libye, ensuite le passage par l'Italie, Darmanin qui on va revenir sur l'éviction de Fournas, mais ensuite Darmanin cette semaine qui sermonne le RN en disant mais qu'est-ce que vous vouliez qu'on fasse, qu'on les laisse mourir, etc. Donc il sort son violon, voilà, et le truc se termine en foirade, bah évidemment, comme avec les masques sous le Covid et comme la finale au Stade de France et maintenant ça, enfin bon. Bref, qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus ? Eh bien, je vais commencer. Moi, le premier truc, c'est, je m'étonne encore une fois que Darmanin n'ait pas servi de fusible et qu'il n'ait pas sauté, donc. Je me dis peut-être que, comme Donald Trump, ce qui avait été révélé, c'est qu'il a une sextape de Macron en sa possession pour qu'il l'empêche du coup de sortir de son poste. Ça, ce serait le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est simplement, bah, tu l'as noté, le langage du journaliste qui est très drôle. Enfin, pas que le journaliste d'ailleurs. Quand on nous parle, par exemple, de grands adolescents, je pense même que les grands adolescents en question sont plus âgés que les éducateurs qui leur sont envoyés. D'ailleurs, ce sont surtout des grands singes, à mon avis. bon, voilà, ouais. Enfin, ils ont filé tout de suite. Des Érythréens. Alors, j'ai regardé, hein, le QI moyen en Érythrée, 85. Dans les meilleures circonstances, à mon avis. Hein, mais ouais. Ça peut que bien marcher. Voilà, mais ils se tirent, quoi. C'est-à-dire que les mecs, ils se cassent, quoi. C'est... Bon, ok. Bah oui, t'imagines, c'est pas une prison. Il faudrait tellement de flics. Puis je pense que ça, ils ont dû mettre ça sous l'autorité du préfet du Var. Préfet du Var, je sais pas qui c'est. J'imagine bien que le gars-là, il gère plutôt des stations balnéaires assez fortunées. Il a pas envie de gérer des centres de vacances remplis de nègres qui ont qu'une envie, c'est de se tirer. Donc. Ça les arrange tous, finalement. Ils ferment les yeux, ils les laissent partir. Et puis ça devient le problème de quelqu'un d'autre, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui égorge une gamine ou qui fasse je ne sais quoi. Bon, bah, voilà. Après, faudra gérer l'aspect médiatique. Ils nous diront, non, il était pas sur le bateau. Non, on a fait nos recherches. Ouais. Il était pas sur le bateau. Alors que, donc, il cache à la population, le scandale, et puis faut vite que ça revienne à la normale. Mais je trouve que le cycle médiatique devient de plus en plus court, c'est-à-dire qu'ils doivent gérer à intervalles de plus en plus courts des problèmes comme ça assez lourds, notamment pour le ministère de l'Intérieur. Effectivement, Darmanin semble indéboulonnable, ça doit être très certainement parce que c'est un homme très compétent. Et et puis bon bah voilà, il continue ses petites affaires avec son faciès. Ouais, alors bah justement, regardez ça. Alors ça s'enchaîne parce que bon là, donc les mineurs machin, bon imaginaires, bon ils se sont tirés. Mais alors là je cite BFM TV, hein. ça c'est cette semaine, hein, je crois que c'était samedi. Océan Viking, donc le navire, la justice n'a pas pu statuer sur le maintien en zone d'attente de 123 migrants en raison d'un manque de temps et de vice de procédure. Alors je vous explique le topo. Si vous avez loupé ça, je pense que la plupart de nos auditeurs sont au courant, mais... Donc en fait, à cause de l'état de droit, vous savez, ils ont quand les gens ont dit, non mais avec le meurtre de Lola... Les gens, parce qu'ils ont commencé à prendre en charge l'Algérienne, je sais plus ce qu'ils avaient fait, mais une aide psychologique et tout. Enfin, putain, on se tapait. Et alors, mais l'état de droit, c'est-à-dire toute la presse de gauche et la presse juive, c'est dire non, mais vous pouvez pas parler comme ça, truc là. La donc, présomption d'innocence. Voilà, donc France Inter et compagnie, bref, donc les médias juifs, ils sont tous mobilisés. Non, mais les droits de droit, le truc, la démocratie. Ah bah d'accord, ok, bon. Ok. Et alors, c'est rebelote, c'est-à-dire que là, donc sur les 240 clients là, il y en a 123, ils se sont tirés parce que tu vois, si tu les prends pas en charge dans les 4 jours, les mecs ont le droit de se barrer dans ton pays, tu vois. C'est légal, tu vois. Donc en fait, pour vous représenter le truc, c'est-à-dire que pour respecter le droit, les clandestins ont le droit de rentrer chez toi. C'est-à-dire que les mecs qui violent tes frontières, ils ont le droit de t'envahir pour respecter le droit. Tu vois, ok, tu cernes un peu le problème. C'est en fait, c'est, tu vois, c'est le droit, l'état. Bah en fait, droit. T'as pas de pays. Non, mais en fait, c'est un boulin. Non, l'état de droit, c'est un camp de concentration pour autochtones. En fait, t'as aucun droit. T'es cerné de mirador, tu vois. Et à la minute où l'autochtone il dit non mais j'ai quand même, paf, toi t'as une balle qui fuse pour t'avertir que la prochaine elle est pour toi, tu vois. C'est ce que les gens découvrent ça. Ils découvrent en fait que le droit est conçu pour les étrangers, il est conçu pour les métèques, il est conçu pour tout le reste de la planète, sauf toi, tu vois. Et ça, pour beaucoup de Français, c'était pas évident, ok? Parce que les gens, ils connaissent pas le droit, d'accord? C'est pas des avocats, ils ont pas de formation juridique, ils y comprennent rien, ok? Ils savent pas ce que c'est le droit, ils vont pas lire les liasses, les tomes et les tomes de trucs, ils y connaissent que dalle, tu vois? Ils disent, oui, c'est la loi française, quoi, ouais, c'est d'accord, c'est des trucs, ouais, ok, très... Non, t'as pas compris ce qui s'est passé depuis plus de 100 ans dans ton pays, mon ami. Tu sais pas ce qui s'est passé dans ton pays. T'as un droit, oui, mais il est pas pour toi, il est pour les étrangers, pour s'assurer que toi, t'es la cinquième roue du carrosse, par contre, c'est toi qui passes à la caisse. Il y a beaucoup de Français qui savent pas ça. Alors là, le truc qui est marrant, c'est qu'en un temps très court, sur un espace restreint, tout ça devient visible. C'est ça qui est marrant. C'est-à-dire qu'avant, tu sais, c'est de l'individuel. C'est genre, ah, il y a un immigré clandestin dans tel endroit, tu sais, il a été interpellé, il a fait une demande de régularisation, elle a été rejetée, etc., ce genre de truc. Mais c'est à chaque fois au cas par cas. Donc c'est diffus dans les régions, dans les villes. Et en fait, on voit les dysfonctionnements, mais les gens, ils font même plus attention. Et là, c'est hyper médiatisé, c'est sur un navire, donc c'est très mis en scène, parce que tu vois le navire qui arrive dans la baie de Toulon, il accoste, t'as le gouvernement qui s'engage, on les emmène dans un hôtel, il y a toutes les caméras qui sont là, etc. Donc, dans une séquence très courte, tu vois tout le truc qui commence à déconner, mais qui déconne tout le reste de l'année, ça déconne tout le temps comme ça. Mais là, les gens le voient. Ils disent, au bout de 4 jours, les gars, ils ont carte blanche pour se tirer dans mon pays si jamais t'as pas assez de magistrats pour... Ah bah oui, c'est l'état de droit, mon ami, c'est la démocratie, c'est les droits de l'homme, t'es pas au courant ? Et voilà. Et là, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regardent leur télévision, ils disent, putain, c'est effrayant ce qui est en train de se produire. On a plus de loi. Parce que ce qu'ils appellent, eux, l'état de droit, pour le français de base, ils disent, en fait, il y a plus de loi dans notre pays. C'est ça que ça veut dire. Donc les avocats, les mecs, ils disent oui, non mais les droits de l'homme, les trucs. Pour le français de base, ils disent on n'a plus de droits. C'est le Far West. Il y a tellement de conditions qui ont été mises que ces gens-là, ils arrivent chez nous, c'est les maîtres. Et ça cogite dans les masses là. Ça cogite dur. J'aime autant vous le dire, ça cogite dur. Parce que de l'autre côté, t'as Toto Bruno Le Maire qui est en train d'expliquer à tout le monde qu'il n'y a plus une thune. Il n'y a plus d'argent, on est à l'euro près, l'inflation, etc. Bon bah c'est comme ça. Donc les gens ils sont là, ils cogitent quoi. Hein, ils voient les factures monter. Quand ils vont au supermarché, ils voient que ça monte, ils serrent la ceinture. Et à côté de ça, il y a le cirque là, le cirque dont je viens de parler. Et quand ils posent des questions, ils leur disent non mais de toute façon déjà, vous posez pas de questions, hein, l'état de droit, la démocratie. Et puis si vous insistez, de toute façon vous êtes un fasciste. Alors, moi je veux bien, mais voilà. Et donc là, moi, je pense qu'on a une séquence qui est extraordinairement destructrice pour Macron, franchement. Quand je les ai vus s'exciter avec la France Insoumise pour dégager de Fournage, je me suis dit, c'est pas possible d'être aussi con. Moi, j'aurais été un député de Macron, j'aurais hurlé dans les couloirs, j'aurais absolument insisté pour qu'il y ait une réunion d'urgence, et j'aurais gueulé, j'aurais dit, il faut absolument stopper le truc, là, vous allez nous foutre dans la merde, parce que le navire, il va arriver ici. Il va arriver sur nos côtes. Et on aura fermé la porte derrière nous, et on sera obligé de l'accueillir, et ensuite, on sera complètement foutu médiatiquement, on pourra plus rien faire. Marine Le Pen, le Rassemblement National, Bardella, ils vont avoir une avenue, on ne pourra plus rien dire, on sera foutu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis. Se prosterner au pied de la clique de Mélenchon, cette espèce de clique d'ahuri, là, avec le boyard et compagnie, espèce de taré homosexuel, là, avec sa gueule de victime. Ils sont foutus, les mecs! Ils ont plus qu'un truc qui fait tenir la boutique, j'en termine, hein. C'est que les vieux votent pour eux, pour avoir les retraites. C'est le dernier truc. Le seul truc qui fait tenir Macron, c'est ça. Et le fait que les juifs acceptent les rallonges de dette, quoi. C'est le seul truc, hein. Vous sortez de ça, c'est absolument catastrophique, hein, ce qui se passe, hein. Je dis pas ça simplement parce que je suis opposé à l'immigration, mais je veux dire, on voit sous les yeux l'effondrement carrément même de l'État comme organisation souveraine sur le territoire français, quoi. Je veux dire, ça s'écroule à une vitesse stupéfiante, quoi, stupéfiante. Bah oui, parce que s'il y a vraiment un rôle dans lequel il a une importance et que tout le monde le reconnaît, c'est probablement la police et la justice. Et là, c'est ce qu'il nous explique. Il nous explique, ah bah non, on peut pas faire notre travail de justice et de vérifier des dossiers, donc bon, bah on va les laisser passer, voilà. Pas de souci, vous pouvez y aller. C'est open bar. De toute façon, bon, on le savait que la France était open bar pour les entrées via l'Italie, là, tous les nègres qui faisaient leur transhumance par l'école entre la France et l'Italie. Mais alors maintenant, ouais. Le fils d'Alain Jacubowicz, si tu le rappelais. Quand il était président de la LICRA, lui a remis un prix, hein, en personne à Cédric Héroux. Hein. Il faut quand même rappeler ça, hein. Moi, j'ai la mémoire longue. Et Cédric Héroux, un type qui lutte contre le fascisme, omniprésent, et puis ce système ultra-capitaliste qui déshumanise. Enfin bref, vous connaissez le topo pathétique. C'est ultra-capitaliste dans ce sens que, sans Cédric Héroux, la bobocratie, oui, bah oui, c'est vachement emmerdé, elle aurait pas le livreur de sushis, tu vois. Oui, mais bon, le délire, c'est de penser que ces gens-là luttent contre le capitalisme en faisant rentrer des nègres ad nauseam. Donc ça, c'est fabuleux d'arriver à... Je rappelle qu'il a été en smoking à Cannes. Oui. Bah oui, c'est sa place, hein, avec les bobos, c'est la jonction. Alors que si on en croit la vulgate de bobocratique, normalement, c'est Jordan Bardella qui devrait être en smoking à Cannes, tu vois. C'est lui qui devrait être en ouverture, tu vois ce que je veux dire. Et visiblement, il se passe quelque chose de différent, parce que c'est des pouilleux d'extrême gauche qui vivent dans leur montagne, à qui on prête un smoking d'ailleurs, hein, qui sont là avec leur macaque de compagnie, quoi. Donc, il y a quelque chose qui tourne pas rond, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un message subliminal avec cette histoire, parce que c'est un bateau qui s'appelle l'Océan Viking. Et j'ai l'impression que ce choix de nom de bateau s'est fait à dessein et qu'ils veulent nous dire, bon, écoutez, les Européens jusqu'aux Vikings, nous allons vous submerger par un océan d'Africains. Et en fait, ce bateau aurait dû s'appeler l'océan africain sous lequel nous allons vous submerger, vous les Européens. Alors, et qui... On pas laissé le meilleur souvenir, hein, sur toutes les côtes d'Europe. Oui, mais les Vikings avaient le bon goût de repartir. Ah oui, ça c'est juste. Oui, enfin ça dépend des endroits, mais biologiquement, on préfère quand même les Vikings, quoi. Je veux dire. Voilà. Enfin, les Celtes sont très proches génétiquement des Vikings. Oui, les Blancs en général. Je veux dire, bon voilà. Hein, donc là, on a quand même bon les Vikings d'Érythrée. Là, je réfléchis encore au concept. À mon avis. Ça ne peut s'expliquer que par des réalisateurs séfarades. Hein. C'est un nom qui fait un peu tâche. ils ont même pas le droit de nous montrer des images des bestiaux, alors que j'aimerais bien voir ça. Enfin, faut quand même voir ce qu'il y a en Érythrée, ce qu'ils font. C'est des pays où ils font de la piraterie, ils sont là à se tirer dessus à la Kalachnikov pour le petit déjeuner. Enfin, c'est vraiment des peuplades, mais ultra arriérées, ultra violentes. C'est vraiment pas du tout ce que t'as envie d'accueillir dans ton pays. Mais bon, nous, faut qu'on les prenne comme ça. Alors du coup, là, Darmanin et Macron sont assis sur une bombe, parce que imaginez là, et là ils sont tous en train de s'égayer là, bon. Et les SOS Méditerranée nous a annoncé, hein, on revient, hein. Y a une prochaine cargaison qui va arriver, hein. Ils passent plus par l'Italie, ils vont arriver à Toulon. Hein. Alors ça crame énormément de diesel, et ça, mais ils s'en tapent, hein, ils arrivent. Bon, ok. Bon, alors la prochaine fois, je pense qu'ils vont cerner un peu plus le truc, ils vont mettre beaucoup d'avocats, hein, comme ça, vous allez voir, tout. Mais s'ils cernent plus le truc, ça prendra plus de temps, donc la Negra, il va arriver de plus en plus vite, ça va s'entasser à Toulon, ça va devenir très rigolo. Mais bon, le processus est lancé. Mais alors, sur le lot, statistiquement, c'est inévitable qu'il y en a un qui va forcément planter un Gaulois qui va acheter ses cigarettes à 6h du matin, ou qui va toucher le cul d'une gamine avant de l'égorger dans un fossé. Enfin, ça va forcément se passer comme ça. On le sait, c'est exactement comme l'affaire du terrorisme en Syrie, quand le gouvernement criminel de Hollande, qui continue à fafaire le tour de France avec son énorme ventre, sous le regard d'ailleurs ahuri des Français qui rigolent comme des cons, d'ailleurs, à chaque fois il est là, et là, il a une gueule de con, mais les gens qui le regardent ont aussi une gueule de con. Ils sont là, ils sourient, je prends une photo avec vous, oui, mais bien sûr, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il a fait, cette espèce d'enculé de Hollande? Il a ouvert les frontières de la France, mais il a aussi soutenu les égorgeurs en Syrie. Tout le monde a oublié ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah le Bataclan. C'est-à-dire que les mêmes connards de socialistes qui pleurent sur le Bataclan sont ceux qui ont rendu possible le Bataclan. Et excusez-moi, au bout d'un moment, c'est un test de QI géant, ce truc. Je veux dire, au bout d'un moment, vous avez les politiciens que vous méritez, quoi. Bon, alors, comment dirais-je, ils nous refont le même truc. Donc le océan viking, là, il est moins, mais il faut les accueillir, c'est normal, d'accord, ok, faut les accueillir, d'accord. Donc il y a la moitié qui se tire de la nature au bout d'une semaine. Qu'est-ce qui va se passer s'il y en a un, et ça va arriver, qui plante quelqu'un, qui viole quelqu'un, ou qui commet un crime, peu importe lequel? Mais je veux dire, ça va exploser médiatiquement. Ça va, enfin, c'est pas les médias, mais l'opinion va éclater. Elle va éclater. Elle va dire, mais, ils vont réclamer une tête, quoi. Ils vont réclamer une tête. Et ça va devenir vraiment moche. Ça va devenir vraiment moche, je vous le dis. Alors, ils se sont mis dans un truc. Mais je sais pas, c'est le fatum, hein, faut pas chercher plus loin. Je pense qu'ils ont ils ont scellé leur sort, hein, et voilà. Moi j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Un Français a été égorgé dans tel village. Peut-être même dans le Var. Peut-être même dans le Var, je veux dire. Et on va découvrir que c'était un des nouveaux, hein, un érythréen, voilà, pour un regard, pour une clope, à la Wagbar, je ne sais quoi. Ce serait une récupération. Oui. Oui, alors oui, préparez-vous à ça, c'est-à-dire que, imaginez ça arrive. Si c'est pas avec cette charté de nègre, la prochaine, quoi. Bon, peu importe. Imaginez, bon, ça se passe. Et là, évidemment, tout le monde, comme l'affaire Lola, tout le monde hurle. Mais qu'est-ce qui se putain, Darmanin, rendez compte, espèce de crapule, ordure. Et là, le mec, il arrive sur, tu vois, il arrive sur, sur RTL, avec sa voix très posée. Oui, non, je tiens ici à dénoncer les propos ignobles qui viennent de l'extrême droite, qui récupèrent ce fait divers. Je sais pas comment formuler ça, mais, c'est... il faut une révolution, quoi. C'est plus possible, quoi. Il faut une révolution. Bah, vous allez me dire, je prêche dans le vide, mais il existe un mot pour qualifier ces propos. C'est l'indécence. Ah oui, oui, c'est ça. Ouais, ouais. Ah oui, mais ils vont faire un truc comme ça. Ils ont. Là, c'est sûr qu'ils ont déjà demandé à leur cabinet de communication de préparer le truc. C'est évident. Évidemment, ils ont dit voilà, les gars, s'il y en a un des mecs là qui fait un truc là, si un des clandestins là qui plante un mec. Qu'est-ce qu'on fait? Ah bon, il faut bosser, il faut plancher dessus, etc. Bon, okay. Quel angle d'attaque, etc. Ça va être comme avec les supporters du Stade de France, quoi. C'est des Anglais. Et j'aimerais votre avis là-dessus, la façon dont le gouvernement français a attaqué le gouvernement italien qui a refusé de prendre la CAM qui ne veut pas accepter. Oui. Ça, c'est... Ils ont remis des contrôles aux frontières avec l'Italie pour les punir de ne pas avoir accepté les nègres et d'avoir forcé la France à les récupérer. C'est ahurissant. En fait, on est vraiment sur une autre planète parce que l'Italie a simplement dit, bah, nous, on n'en veut pas, on les prend pas dans nos ports. Et la France dit, ah, bah, pour vous punir, on va remettre des contrôles aux frontières. Alors que, bon, toute l'opération, là, qui est en train de se dérouler, c'est simplement d'ouvrir les frontières à ce bateau et à tous ces nègres. Enfin, il y a rien qui tient, tout est totalement délirant dans cette histoire. Mais je crois que c'est simplement l'état de, enfin, en fait, c'est simplement, on voit la démocratie en mouvement, bien sûr. On voit la qualité des élites qui s'effondrent totalement. Ou en fait, ils réagissent quasiment à des tweets. En fait, la politique française aujourd'hui, le gouvernement, en fait, fonde sa politique pratiquement sur des tweets. Quoi. Voilà, en fait, c'est la réaction pratiquement dans l'heure ou dans les trois heures. Tous les frontières ou pas, simplement pour faire un effet d'annonce sur Twitter qui va durer une après-midi. Il y a plus de politique en fait, il y a plus du tout de politique. C'est j'ose pas imaginer le personnel qui est derrière ça, mais c'est effrayant. Donc brûler des cierges, hein, éventuellement installer une porte blindée chez vous, ça peut être utile. Travailler un peu tout ce qui est autodéfense, je sais pas, mais oublier les flics et tout ça, c'est fini. Hein, je veux dire, Non. Là, ils importent carrément l'Érythrée chez vous. Ils sont dans la nature. Moi, j'insiste là-dessus. Je veux dire, ils sont dans les campagnes, ok. Ils sont dans les villages. Ils zonent. C'est des gens. Ils sont en train d'errer en France. Ils errent, d'accord. C'est plus du tout comme ce qu'il y avait il y a 20 ans. Moi, quand j'étais jeune, on va dire, quand nous on parlait d'immigration, les problèmes étaient localisés, territorialisés. On pouvait dire voilà, le problème d'immigration, il est dans cette ville à tel endroit. Là, ça n'a plus rien à voir. Là, c'est carrément l'invasion. Les mecs arrivent de partout. Ils se fixent nulle part. Le type peut être à pied quoi. Ils sont deux, trois à pied. Ils passent par un village. Ils croisent une gamine. Ils l'égorgent. Ils repartent. Il y a un témoin. Bah, vous avez de la chance. Les flics vont l'arrêter. Ils vont pouvoir faire une enquête ou quoi. Il y a pas de témoin, bah désolé, voilà, c'est comme passer la faute à pas de bol. On sait pas, on a rien vu. Il y a pas de témoin, on a pas d'éléments. C'est de la folie furieuse qui est en train de se passer, quoi. Je veux dire, c'est de la folie. Il y a pas d'autre terme. Donc les flics ne vont pas vous aider. Ils viendront peut-être ramasser les morceaux, mais pas vous aider. Donc ne laissez plus vos gamins dehors, ne laissez pas vos portes ouvertes de grâce, la plupart ne le font pas, mais ne le faites pas, installez des portes blindées, foutez des putains de barres en fer sur vos fenêtres, dites-vous bien que la nuit dehors, c'est les bêtes sauvages sont en totale liberté, et voilà, franchement, c'est exactement ce qui se passe, c'est de la folie, mais c'est comme ça, voilà. C'est venu très vite, hein, cette affaire, tout ça. Hein. C'est venu très vite. Hein. Quelqu'un a quelque chose à rajouter là-dessus, sur ce qui se passe? Oui, tu parlais de l'Italie. Ouais, ouais. Vas-y, Hydromel. Non, je n'allais pas spécialement intervenir. Si, peut-être juste que, au préalable, ils ont pris soigneusement, ils se sont employés à préparer les campagnes à les recevoir. C'est-à-dire, pour moi, ça se déroule dans un ordre préétabli. Et donc, c'est faire dessin, c'était juste ça. Il y a Vincent Lapierre qui a fait un reportage sur Calax cette semaine. Le projet Horizon, ça c'est carrément les millionnaires Cohen, quoi. Donc tu sais, parce que tous ces trucs-là, c'est subventionné. Donc les millionnaires Cohen, en fait, ils défiscalisent comme ça. Hein. C'est-à-dire que tu es une association, tu dis je fais de l'aide aux migrants, machin, ok. Donc tu peux solliciter des subventions, mais en plus, l'argent que tu vas investir, tu vas pouvoir le défiscaliser. C'est-à-dire que sur tes autres activités lucratives que tu vas avoir dans d'autres business, à la fin de l'année, tu vas pouvoir défiscaliser. Donc en fait, les mecs ils gagnent du pognon en faisant ça. Donc les juifs gagnent du fric en t'important des nègres dans les communes où il y a que des vieux ou des pauvres. C'est hallucinant, quoi. Je veux dire, le niveau d'hébraïsme est absolument hallucinant. Et je suis obligé de le dire. Pourquoi on peut pas pointer du doigt le rôle des juifs, pas uniquement des juifs. D'ailleurs, attention, hein. Je dis pas que c'est que les juifs dans tout ça, parce que à Calac, par exemple, vous avez tout l'arrière-ban de l'extrême gauche pourrissante sur place qui aide. Attention, hein, je veux dire, on a nous-mêmes notre propre fin de race qui est en train de pousser au meurtre, hein. Je veux dire, voilà, bah, la fin de race veut crever, donc elle essaye d'aller à la tombe, mais pas seule. Elle veut entraîner les autres avec elle. Mais, on peut pas pointer du doigt le rôle des juifs parce que l'Holocauste, parce que la religion de l'Holocauste, parce que l'antisémitisme, parce que les heures les plus sombres de notre histoire, etc. Hein, voilà. Donc, ce qui nous ramène à Vincent et ce qu'il nous a expliqué ici très souvent. Donc, à Calac, le reportage de Vincent Lapierre était très intéressant, quoi. Alors, il y avait des trucs vraiment à commenter. Il y avait un boomer à raconter ses conneries. Vraiment le hippie de 70 ans, quoi. Le hippie de 70 ans, anti-autoritaire. Ah non, mais le fascisme. Ah non, les frontières. Le mec était. Mais putain, t'avais l'impression qu'il avait pris une putain de dose, tu vois, de médicaments pour cheval, quoi. Délivré par les vétérinaires, le mec il avait deux tensions, il était là, non quand même. Ce qui me gêne, c'est d'entendre, comme j'ai entendu ce matin, des gens qui disent mais on n'est plus chez nous, etc. quoi. Voilà. On est pour le référendum populaire, censément. Je dis, mais le référendum, ça peut mener aussi à la dictature. Hein. Vous seriez contre un référendum sur la question de l'immigration ? Moi, je suis contre toutes les dictatures. Mais là, référendum, ce serait demander l'avis aux gens, donc c'est la démocratie. Oui, oui, oui, oui, mais ça peut être utilisé. L'opinion populaire peut être dangereuse quelquefois, quelle que soit. Ça peut mener à une dictature, qu'elle soit une dictature du prolétariat ou une dictature de l'extrême droite. Quoi. C'est un peu paradoxal, puisque oui. Si on demande l'avis aux gens, c'est l'expression la plus pure de la démocratie. Bien sûr, oui. Donc, moi, je ne suis pas contre, mais... le suffrage universel aussi. Et la démocratie républicaine, démocratique en tout cas, la démocratie populaire, quoi, c'est aussi la vie aux gens. Merci monsieur. Merci. C'est pas simple, je sais bien, mais... Okay. Il faut accepter tout le monde. Lui, il se plaignait du référendum. Ça risquait de faire venir le fascisme, la dictature. Il est contre la dictature. C'est mauvais, la dictature. Non, mais le mec était là, il était démocrate. Mais ensemble, il en a parlé aussi dans l'émission. Ouais, démocrate, mais contre les référendums. Parce qu'on sait que les référendums... Ouais, donc en fait, tu vois... la démocratie c'est super, tu vois, mais c'est que quand on gagne, parce que quand on perd c'est pas cool. Donc et d'ailleurs c'est toute la tragicomique, c'est tout le tragicomique de la situation de Trump aussi, hein. C'est-à-dire avec Musk, etc. Moi j'ai vu des... C'est que le peuple a été trompé s'ils perdent. C'est ils ont mal été guidés par le peuple élu qui normalement arrive à infuser ses idées. Avec Twitter ça m'a fait marrer, tu sais. Donc Musk a lancé son truc là. Tu sais, son sondage, il y a 15 millions de personnes qui sont exprimées, on sait pas qui a quel compte, quoi. Bon, Trump, donc les gens ont été à 52%, 51% pour qu'il soit remis en place, ok. Enfin, qu'il soit déban, quoi. Et les réactions des pastilles bleues sur Twitter, France, c'était magnifique, quoi. Tous les journalistes et tous les fact-checkers là, les mecs qui s'autoproclament détenteurs de la vérité. T'sais. Ils disent non mais moi je sais si c'est vrai ou si c'est faux, quoi. Et alors bon, il y avait Tristan Manesprand, mais les autres aussi, quoi. Je veux dire Grably là de BFM et tout. Et les mecs ils réagissaient en disant non mais c'est pas un vrai sondage. C'est pas un vrai sondage et tout, on fait pas ça comme ça, genre en fait, t'avais Twitter, c'est un état. Et il fallait déployer l'ONU, quoi. C'est pour savoir si le sondage était fait dans les règles et tout. Tu sais, comme dans les enclaves où t'as une querelle territoriale entre deux pays. Tu sais, on va déployer des casques bleus pour savoir si en fait il y a des observateurs et tout pour voir si c'est fait dans les règles. Non. C'est une plateforme. C'est une plateforme. C'est tout. Il est même pas obligé d'avoir un sondage. Il remet Trump s'il a envie, ok, tu vois. Mais les mecs, ils pensaient détenir Twitter. ils avaient mis en coupe réglée les réseaux sociaux. C'était cool, tu vois. Ils dégageaient les mecs comme ils voulaient, arbitraire total. Et t'avais de Mendes France qui était en train de dire, ah bah voilà, Musk a remis, a rétabli le compte de Trump. Voilà, vous êtes devant l'arbitraire le plus complet. Putain d'enculé de juif. Putain d'enculé de juif, quoi. Je veux dire, oser ce truc, la chutzpa au cube. C'est-à-dire que putain, les juifs te dégagent un mec qui est président des États-Unis d'un réseau social juste parce que, tu vois. Voilà, on est juif, on n'aime pas sa gueule, parce que, donc tu dégages. Et les mecs, tu vois, tu le remets en place après un sondage. C'est-à-dire que les mecs n'ont pas fait un sondage. C'est-à-dire que quand ils ont dégagé Trump, ils n'ont pas fait un sondage. Est-ce qu'il faut le virer de la plateforme, tu vois? Musk fait un sondage, les mecs disent, ah non, mais vous avez l'arbitraire. Mais je vous dis, comment ne pas être antisémite? Quelqu'un a-t-il la réponse à cette question? Moi, je ne comprends pas, je ne vois pas. Je veux dire, antisémite, c'est juste... tu vois, c'est comme apprendre à lire et à compter. Tu vois, c'est non, tu peux pas faire autrement. Ah, ils étaient tous comme ça là, c'est le truc. Oh, le journal, il est pas vu. Tu vois, ah, ils se tordent de douleur, c'est extraordinaire quoi. Ah, ils en peuvent plus. Hein. Et en plus, le truc qui est fascinant, c'est que eux voulaient virer tous les mecs de droite ou ils appellent ça les néonazis suprêmes, enfin, tout ce que vous voulez quoi. Donc le diable, le démon quoi. Hein. Ok. Mais là, actuellement, c'est pas ça. Ils sont pas en train de se faire virer eux. Ils sont tous là, ils peuvent raconter toutes les conneries qu'ils veulent, ils sont soutenus financièrement à gogo, y a pas de souci, quoi. C'est juste que des mecs puissent avoir des idées différentes qu'ils ne peuvent pas censurer, qui les rend complètement foudrage. Oui, puis surtout, on voit bien que c'est pas organique, leur soutien. Là, j'ai vu qu'il y a un média américain qui s'appelle CBS News qui a dit qu'ils allaient arrêter de tweeter pour observer la situation et l'évolution de Twitter. Et les gens disaient, bah oui, il vaut mieux pas qu'ils tweetent parce que tout le monde voit qu'il y a un ou deux retweets, 20 likes, alors que des gens qui n'ont pas des millions de budget derrière eux, qui ont simplement un compte Twitter, ils arrivent à avoir bien plus de traction sur le réseau. Donc en fait, ce qui les rend fous, c'est qu'il risque d'y avoir un peu de lumière qui sera faite sur le fait que ben ils mentent, ils trichent sur tout et ils sont pas du tout en contrôle de l'opinion majoritaire. Ils sont pas du tout majoritaires. C'est des gens qui menacent, qui crachent leur bile, mais c'est totalement minoritaire. Leurs idées, ça représente personne. Et d'ailleurs, ça se voit avec 1800 entrées pour les engager. Tous ces gens, ils ne représentent rien. Mendes France, ils représentent rien. Conspiracy Watch, c'est pareil. Tous ces trucs-là à la con, toutes ces, même les médias de l'ancien temps, les médias télé et ainsi de suite, le monde, ils ont plus personne qui achète leur journal pourri pour essayer de lire une version compatible pour les goyim du Talmud, ça intéresse personne, c'est indigeste. Non mais c'est vrai, et finalement à la fin, bah c'est ça qui les rend le plus fous, c'est qu'ils se rendent compte que l'aura qu'ils croient avoir auprès des goyim, en fait, les gens sont apathiques. Maintenant, ils sont devenus apathiques à beaucoup de choses. Ils sont apathiques au fait que, ben, il y a des nègres qui débarquent sur leur territoire. Bon, ils regardent ça. Toi, tu dis que les gens sont furieux. Les gens sont neutres. Ils s'intéressent pas plus que ça. C'est de la politique. Quand t'es à Reims ou à, je sais pas, à Strasbourg, tu te dis, bon, il y a 244 érythréens, agiens, qu'est-ce que ça peut me faire? Moi, j'en ai déjà 40 au coin de ma rue. De toute façon, non, mais les gens attendent l'effondrement. Je pense que les gens s'attendent là à ce qu'il se passe des choses assez importantes. Et ben, oui, ça risque de venir, hein, parce que comme on arrive au temps des vérités, il y a de plus en plus de gens qui commencent à parler des juifs sur les réseaux sociaux autorisés, et même le fait de voir des captures d'écran de DP sur Twitter, c'est particulièrement satisfaisant, parce que bon, mais même si c'est posté par des ennemis, ça veut dire que ces gens lisent, et donc que ça a un certain impact. Ça a au moins un impact psychologique sur eux, peut-être qu'ils nous écoutent même. Et le fait qu'on existe et qu'on ait nos avis, nos opinions, ça joue contre eux parce que ça les pousse à faire des erreurs, ça les pousse à s'énerver, à la répression et à mobiliser. Pourquoi les flics font pas leur boulot? Pourquoi la justice fait pas son boulot? Parce que ils sont en train de dépenser des ressources folles pour des trucs délirants. Et donc ils ont plus à la fin suffisamment. De toute façon, ils ont pas la volonté. Mais même s'ils voulaient, ils ont même plus tellement de marge de manœuvre pour faire leur travail correctement. Donc c'est pas tenable. C'est pas tenable. Ça va. C'est pas possible que ça tienne encore très longtemps. Non, effectivement. Ouais. Non, cette République, elle en a encore d'ici 2029-2030, pas plus. Et donc c'est moi, c'est ça qui m'exalte beaucoup, c'est que je sais que on va l'enterrer. Ça me. Ouais. Ça c'est le. Donc il faut être au rendez-vous, tu vois. C'est aussi ça que je dis autour de moi. J'explique un peu ça. Je dis voilà, c'est la dernière ligne droite. On va renverser le régime républicain. On va le crever. C'est garanti, je veux dire, la victoire, elle est au bout. Il y aura de la casse parce que ce régime aura fait beaucoup de mal, énormément de mal, comme la démocratie en général en Occident aura en fait infligé des destructions inédites en Europe et même en Amérique du Nord, absolument inédites. Donc ça va pas se faire comme ça, d'accord, hein. Mais là, le toutes ces républiques vont s'écrouler. Donc c'est ce cycle-là, on est dedans, c'est maintenant. Et moi, je veux contribuer à ma modeste échelle, et chacun d'entre nous aussi, à la chute du régime républicain en France. Moi, c'est absolument mon objectif. Et on va y arriver. Et une fois que le régime républicain se cassera la gueule, le reste, voilà, alors pas en un coup, mais suivra. C'est-à-dire que forcément, ça sera un pas dans la bonne direction. Une fois qu'on aura crevé la cinquième putain, le reste suivra. Je veux dire, voilà, ils nous foutront pas, ils n'en mettront pas une sixième, parce qu'ils ne pourront pas. Pas les hommes, il n'y a pas les élites, il n'y a pas les penseurs, il n'y a pas l'élan, il n'y a plus rien. Ils ont que des vieux, des boomers et des nègres. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est pas exaltant au sens où vous n'allez pas vers un lendemain qui est meilleur. Et, voilà. Vous allez vers des lendemains beaucoup plus durs, mais sur les bases qu'on aura conservées, on va reconstruire. Et ça, c'est la phase suivante. Mais là, on est dans une phase de d'anéantissement du régime, et ce régime doit crever. Et on va crever ce régime républicain. Donc que nos ennemis n'en aient aucun... Enfin, ils peuvent s'illusionner, mais on va le crever. On va le crever. On va le crever. Ça, ils peuvent l'entendre haut et fort. Le républicanisme en France, on va le crever. Et on va pas le crever dans 50 ans. On va le crever dans les années qui viennent. Cette république va crever. On va l'enterrer. Voilà. On verra ensuite. Ce qui adviendra. Mais cette république, on va la crever. Voilà. Donc moi, je m'en félicite, parce que moi, quand je suis rentré en politique, j'ai deux dates que j'ai voulu faire enterrer. Moi, c'est les deux dates absolues que je veux enterrer. 1789 et 1945. Voilà. C'est les deux dates que je veux absolument effacer de la page de l'histoire. Et 1789, c'est à portée de main. Ce qui va nous amener sur la question raciale, parce qu'en fait, avec tous ces nègres... La fracture raciale va faire éclater le mythe de l'égalité, le contrat social de Rousseau, évidemment le régime républicain qui est sa forme légale, et ensuite on va revenir à l'essentialisme, on va revenir au bloc humain dans la réalité biologique élémentaire, et on va rebâtir là-dessus. Donc ça va être une victoire de la réalité. Ça voilà, c'est tout, c'est l'enjeu, hein. C'est l'enjeu, c'est tout. Et moi je trouve ça exaltant d'être vivant à ce moment-là, quoi. Je veux dire, il y a beaucoup de nos prédécesseurs qui, dans leur lutte contre ce régime et contre l'idée démocratique, n'ont pas réussi, quoi. Et nous, on va enterrer l'idée démocratique, on va enterrer la République. Ça, c'est vraiment une satisfaction. Oui, un bon exemple là-dessus, c'est Orban, puisqu'il était pourchassé. Il me semble qu'il a fait un peu de la prison dans les années 80. Et aujourd'hui, il est chef absolu de son pays. Donc, les choses peuvent changer en politique. Et effectivement, quand cette république, de toute façon, vu le personnel, quand on voit la tête de Papendia et la tête de Darmanin, l'autre connasse là qui fait la maîtresse d'école à l'Assemblée, la présidente. Brown, c'est un pastiche d'école, de collège. On a l'impression, quand on regarde certaines séances à l'Assemblée, on a l'impression d'être au collège. Elle réprimande les élèves dissipés. Le truc complètement délirant, antinaturel, parce que De Fournas, c'est quand même le mec costaud avec la barbe, il est viticulteur, il a une famille, c'est mec voilà, il a une certain, enfin moi je trouve qu'il a un certain charisme. Et puis t'as l'espèce de maîtresse d'école semi-juive, semi-blanche, toute contrie de ses idées féministes qui vient faire la leçon. Et alors aussi elle s'énerve parce qu'on l'appelle président, alors il faut l'appeler présidente. Et mais c'est du délire, ça va crever, c'est pas possible. Ces gens sont trop nuls, ils sont trop ridicules et ils sont incapables de réussir quoi que ce soit, parce que ils auraient pu nous la mettre bien avec, s'ils avaient fait un truc pro, s'il y avait un truc avec cette histoire d'océan viking, ils auraient pu se débrouiller pour réussir à étouffer le truc, pour nous montrer que ça se passe bien d'une manière ou d'une autre. Mais là, immédiatement, ils sont sortis du bateau, le pied posé sur terre, 10 minutes plus tard, quasiment, ils sont partis. Voilà. Bon, ils sont disparus dans la nature. Et c'est des tocards finis. C'est, de toute façon, racialement, ils valent rien. Donc, comment est-ce qu'ils pourraient valoir quelque chose professionnellement en termes de compétences? Donc, c'est sûr. Je te rejoins totalement. Cette république là est vraiment en train de macérer. C'est le fond de la benne à ordures. C'est le jus au fond de la benne à ordures qui sent très fort. Et c'est le temps de vider la benne là. Faut faire un bon nettoyage. Effectivement, ça va faire de la casse, mais c'est bien. Alors messieurs, avant de nous séparer, je voulais quand même aborder cette histoire rapidement. C'est là on est dans la juiverie internationale la plus splendide, la plus glorieuse. C'est l'affaire FTX. Alors, je sais que beaucoup de nos camarades sont pas forcément traversés en finance, en économie, mais il faut quand même en parler. Rubrique numéro 5, Great Reset, on y est. Alors, je cite ici le journal du Coin, hein, qui nous fait un petit topo. Donc, on a un juif qui s'appelle Sam Bankman-Fried, qui était dans le monde de la crypto, et on est au carrefour de tous les réseaux en fait juifs qui gouvernent aujourd'hui l'Occident. Alors je dis ça rapidement quand même pour nos auditeurs, parce que je ne me voyais pas ne pas en parler. En 2020, donc Sam Bankman-Fried a donné 5,2 millions de dollars à la campagne présidentielle de Joe Biden. D'après Open Secrets, une organisation qui suit l'argent en politique, les dons de SBF, donc le juif, Bankman-Fried, se sont élevés à 40 millions de dollars entre 2021 et 2022. Donc c'est un gros donateur du Parti démocrate, c'est-à-dire de la gauche américaine organisée, et de Biden en particulier. Sur ce total, 92%, donc sur ce total des dons, 92% sont allés aux démocrates, ce qui en fait le second plus grand donateur du parti, derrière George Soros. 128 millions de dollars pour Soros. Les 8% restants sont allés aux républicains. Il faut savoir qu'aux États-Unis, vous pouvez donner à qui vous voulez. Et traditionnellement, en fait, les gros donateurs donnent à tout le monde, en fait. Comme ça, ils sont sûrs de jamais se tromper. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est vous êtes des deux côtés de la barrière, comme ça, peu importe qui gagne, c'est quand même votre copain, vous voyez. Et là, le déséquilibre veut dire qu'il est massivement du côté, évidemment, des démocrates, de Biden et de la gauche. Ces largesses ont permis aux jeunes milliardaires de se rendre à la Maison Blanche pour y rencontrer les conseillers de Joe Biden, pile lorsque l'administration Biden s'est mise à dépenser sans compter pour l'Ukraine. Si bien que FTX s'est vu confier la mission de convertir en dollars toutes les donations en crypto-monnaie faites à l'Ukraine. Ces dons devaient ensuite être reversés à la Banque Nationale d'Ukraine, en partie, tout du moins. Était notamment impliqué dans cet arrangement le ministère ukrainien de la transformation digitale, chapeauté par Mikhailo Fedorov. Monsieur Fedorov, qui est aussi vice-premier ministre, donc de Zelensky, du juif Zelensky, a fait basculer l'Ukraine dans l'ère numérique via l'application DIA. Cette application est le pendant ukrainien du digital wallet que la Commission européenne essaie de nous vendre. Eh oui. Près de 20 millions d'Ukrainiens l'ont téléchargé, notamment pour obtenir leur certificat de vaccination contre le Covid. Dit autrement, il s'agit d'un cheval de Troie pour la fameuse identité numérique voulue coûte que coûte par le World Economic Forum, le Forum économique mondial de Davos. Celle-là même qui fusionnera avec la CBDC, donc c'est-à-dire le dollar numérique, hein, normalement. En parlant du Forum économique mondial, notons en passant que le patron de FTX, donc Bankman-Fried, est le neveu de Linda Fried, une ponte du Forum économique mondial. Cette scientifique en épidémiologie y préside le Conseil sur l'amélioration de l'humanité future. Que le monde est petit dans ces hautes sphères. C'est d'ailleurs probablement cette tante, hein, donc Linda, qui a convaincu Sam Bankman-Fried de financer des tests cliniques ayant conclu à l'inefficacité de l'ivermectine. Bref, pour en revenir à FTX, Fox News pense que l'échange, donc ce site d'échange, hein, a trempé dans des affaires de blanchiment d'argent. Le modus operandi supposé étant le suivant. Premièrement, livraison gratuite d'armes en Ukraine par les démocrates. Deuxièmement, revente d'une partie de ces armes sur le dark web contre des crypto-monnaies. Troisièmement, blanchiment de cet argent sous forme de dons en crypto-monnaie pour l'Ukraine. Quatrièmement, récupération de cet argent par FTX et Sam Bankman-Fried. Cinquièmement, donation au Parti démocrate. Donc en gros, le gouvernement fédéral américain sous contrôle de Biden envoie des armes en Ukraine. Une partie des armes sont revendues au black, au marché noir, par Zelensky et sa bande juive. Le cash généré est converti en crypto-monnaie. Il est ensuite envoyé à FTX qui se charge, vous avez bien compris, de empocher la différence, moyennant un pourcentage envoyé au Parti démocrate et aux amis de Biden. Donc en fait, c'est le contribuable américain par les ventes d'armes qui finance en partie le Parti démocrate. Ok, c'est un scandale énorme. Je veux dire. Et c'est des juifs à tous les étages. Je veux dire, Sam Bankman-Fried, vous avez Zelensky, enfin, j'en passe, c'est des meilleurs. Hein. Et alors, comment dire, c'est tellement énorme qu'il y avait un événement qui était prévu la semaine prochaine, cette semaine au moment de l'émission, par le New York Times, qui est contrôlé par Sulzberger, un juif, qui devait accueillir, donc c'était un panel qui devait être organisé, où il y avait Zelensky, il y avait Sam Bankman-Fried, il y avait Mark Zuckerberg, et il y avait Janet Yellen, du Trésor américain, donc le ministère de l'économie américain. Alors, Yellen est une juive ashkénaze, ok. Sam Bankman-Fried est un juif ashkénaze, ok. Mark Zuckerberg est un juif ashkénaze, ok. Zelensky est un juif ashkénaze, ok. Sulzberger du New York Times, qui contrôle le New York Times, est un juif ashkénaze. Il y avait pas aussi le PDG de BlackRock, qui est un juif, je sais plus comment il s'appelle. Non, lui, il était pas invité, mais bon, voilà, ouais. Non, mais c'est Juifland, ok? C'est Juifland, la guerre en Ukraine, Davos, c'est les Juifs à tous les étages, ok? Je suis désolé, on peut me raconter ce qu'on veut, bon. Et alors, le petit passage intéressant, c'est qu'effectivement, Bankman-Fried a financé des études pour flinguer l'ivermectine. Alors, je ne me prononce pas sur l'ivermectine, hein, je suis pas scientifique, je m'en fous. Mais je veux dire, il a financé des études qui disent non, mais c'est de la merde, faut pas s'intéresser à ça. Alors que Tata, en fait, Fried aussi, il s'appelle Fried forcément, elle est à Davos et elle s'occupe de tout ce qui est sanitaire, tu vois, avec Schwab. Bon, bah, les vaches sont bien gardées, quoi, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, quoi, hein, voilà, bon. Alors, surtout, quand on sait tout ça, d'après vous, est-ce qu'Adolf Hitler a gazé les Juifs en Pologne? Excellente question. Mais c'était un saint homme qui avait malheureusement trop de patience, je crois. Non, mais si les gens savaient ce que faisaient les Juifs, y compris maintenant, mais leur regard sur Adolf Hitler, mais c'est simple, je dirais, bon, ouais, en fait, c'était... Mais Adolf Hitler est très populaire, hein. Les gens l'aiment beaucoup. Si t'avais quelqu'un qui venait faire la réincarnation d'Adolf Hitler, même sous forme de caricature, les gens iraient le voir et ils seraient très contents, hein. Il y aurait des échanges. En tout cas, si François Hollande peut échanger paisiblement avec le public, je pense qu'Adolf Hitler peut échanger paisiblement avec le public. Il n'y a pas de raison. Oui. Je pense. Il n'y a pas de raison. Sur l'affaire FTX, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Est-ce qu'il y a quelque chose dans tout ça qui vous inspire un commentaire quelconque? Peut-être un petit truc à ajouter. Avant la chute de FTX, il y avait eu d'autres scandales. Il y a eu Celsius qui a chuté énormément. Il y a eu également Luna. C'était un autre projet crypto. Et bon, il y a une succession de projets crypto comme ça qui dégringolent. Ça fait chuter le prix des cryptos. Il est question aussi d'un scandale au niveau de l'USDT qui, paraît-il, ne serait pas solvable. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, la somme suffisante pour rendre les dollars qui sont censés afficher. Donc peut-être que prochainement il y aura des prix qui vont baisser, ce sera peut-être une opportunité pour acheter des cryptos, ceux qui y croient, en tout cas. Oui, éventuellement. Jean ? Oui, cette affaire FTX est vraiment très large, il y a vraiment beaucoup de choses à dire, parce que, comme tu l'as dit, il y a des juifs à tous les étages, il y a des connivences, ça rejoint les organismes de réglementation aux États-Unis, la FTC, il y a des connexions à tous ces juifs-là, le dit président, enfin un des professeurs importants au département économique du MIT, la copine de Bankman-Fried, qui est une juive, qui dirige leur fonds d'investissement à Alameda, qui aussi, c'est des gens qui ont 28, 29 ans, totalement obscènes, qui ont volé l'argent de leurs investisseurs, enfin, en tout cas, de tous leurs clients. Et c'est de la triche généralisée, comme les juifs en ont le secret. Et il y a des fortes chances qu'ils soient jamais poursuivis pour quoi que ce soit, parce que, comme tu l'as bien expliqué, ils appartiennent à tous ces réseaux de blanchiment d'argent du Parti démocrate qui se vote des subventions à l'Ukraine et qui ensuite entend les récupérer d'une manière ou d'une autre via des conduits. Donc là, il y a FTX, mais il y en a probablement des tas d'autres qui servent à rapatrier le fric aux États-Unis pour que tous ces gens qui ont bien voté des aides à l'Ukraine récupèrent quand même l'argent qu'ils ont envoyé. Donc cette histoire d'FTX est assez symptomatique. Il y a aussi l'aspect de la réserve fractionnaire, qui est en fait le système banquier actuel. Les banques n'ont pas l'argent qu'elles prétendent avoir, et FTX a simplement sauté parce qu'avec les cryptos, c'est assez facilement traçable. En fait, c'est pas tellement contre les cryptos, à mon avis, hein, c'est plus contre les méthodes des juifs qu'on a de quoi s'énerver, parce qu'avec les cryptos, on peut facilement se rendre compte après. Ça a duré que 3 ans finalement son escroquerie, quand il entre la fondation d'FTX et l'explosion aujourd'hui. Les banques, ça fait des centaines d'années qu'elles arnaquent tout le monde, et il y en a beaucoup qui n'ont pas encore compris que leur argent qui pensait à la banque, il n'y est pas du tout, et que si les gens se mettaient à retirer leur argent, qu'il y a d'ailleurs un scénario prévu en ce moment par les autorités allemandes qui sont en train de préparer un bank run là cet hiver, si les gens se rendent compte qu'ils peuvent plus payer pour une raison ou une autre avec leur carte de crédit, que ce soit à cause de blackout ou parce qu'il n'y a plus d'argent dans le système financier. Les choses vont dans leur cours habituel avec nos amis, et on peut s'attendre à ce que ça aille de mal en pis, puisque là les taux continuent à monter. En fait, cette histoire d'FTX, c'est que l'argent facile distribué par les banques centrales est en train de se tarir, et donc il y a beaucoup d'investisseurs qui récupèrent leurs sous parce qu'il faut qu'ils payent. Les fonds de pension, faut qu'ils payent les pensions. Il y a quand même un certain nombre de frais, et comme avant ils empruntaient facilement à des taux très bas sur les marchés, et que c'est plus le cas, ben, y a de plus en plus de gens qui sortent leurs sous de leurs investissements, et donc on voit de plus en plus, il y a des événements de plus en plus fréquents d'insolvabilité, de faillite, de systèmes de Ponzi qui apparaissent. Donc ça va probablement continuer. Et je pense que FTX va aussi contaminer, va y avoir une contagion des problèmes financiers à d'autres instituts, d'autres banques dans les mois et les semaines à venir. Donc c'est pas fini, pareil, c'est un autre feuilleton de l'hiver à suivre. Et puis ben, j'imagine que il y a des gens qui vont perdre leur portefeuille, mais c'est très bien. C'est comme ça que les gens sortent de la démocratie, c'est quand les gens perdent tout ce qu'ils ont. Dans des précédents dans un pays voisin d'une autre il y a 100 ans qui a aussi vu ça, les gens ont tout perdu et puis bah ça s'est fini comme on le sait. Bah sur ce, messieurs, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve bientôt alors pour la prochaine émission. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.